Cet après-midi, des nuages un peu plus denses vont s'inviter sur le littoral et le Hainaut. Ils resteront sans conséquence, un temps sec pour tout le monde, mais plus de nuages, c'est vrai, sur l'ouest. Ambiance douce aussi cet après-midi avec 17 à 22 degrés. Pour le moment, il fait encore un peu frais, mais tout cela va augmenter. La zone nuageuse qui va arriver cet après-midi va continuer sa course dans le courant de la nuit. Elle touchera l'est du pays, le temps restera tout de même sec. Les minima, quant à eux, iront de 10 à 16 degrés. Viva 9h. Viva 9h. Eh ben, laisse pépère. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Pas d'école aujourd'hui, puisqu'elle fête la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'institution dont elle dépend, tout comme les médias, l'aide à la jeunesse ou encore la culture, comme chaque année, place au discours de son gouvernement. Il aura lieu dans un peu plus d'une heure à l'hôtel de ville de Bruxelles. Et comme chaque année, la même question qui fait débat, faut-il supprimer la Fédération Wallonie-Bruxelles et intégrer ses compétences en région ? Pour la ministre de la Culture, la CDH Alda Gréoli, c'est non. Et pour s'en expliquer, elle prend l'exemple des artistes. Si demain, une institution qui développe du théâtre à Bruxelles, mais qui est très contente d'aller présenter ses pièces dans toute la Wallonie, un artiste qui produit quelque chose à Arlon et qui est très content d'exposer à Bruxelles, en quoi est-ce que demain leur vie sera facilitée? Vous savez, moi, les gens que je fréquente sur le terrain et qui m'interpellent me demandent plutôt de réfléchir à la manière dont on peut porter la culture de la communauté française à l'étranger plutôt que de savoir s'il faut la replier sur une partie du pays. Alda Gréoli, la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles. La ministre de l'Énergie attendue de pied ferme cet après-midi en commission à la Chambre, Marie-Christine Marguem doit venir s'expliquer sur une taxe nucléaire qu'elle a oublié de réclamer à Electrabel. Taxe que l'électricien est censé payer pour le prolongement du réacteur nucléaire de Tihange 1. On parle d'une somme de 3 millions d'euros environ. SAC a-t-elle tardé à réclamer cette prime ? Eh bien, la ministre de l'Énergie va devoir s'expliquer et fournir des documents. Laurent et Leïla voudraient se marier, mais la commune leur refuse. La commune de Pec a des doutes sur la sincérité de leurs sentiments. Elle soupçonne un mariage gris. Un mariage gris, c'est quand un des deux conjoints joue la comédie pour être régularisé plus rapidement. Un type d'union interdit par la loi et que chassent les communes. Isabelle Palmitessa nous raconte leur histoire. Un couple choqué par la façon dont son projet de mariage a été traité. Laurent est belge, Leïla est marocaine, elle est venue comme touriste en Belgique, mais son visa est expiré. Fin 2015, le couple s'est rendu à la commune de Pec avec le projet de se marier. Ils n'étaient pas pour du tout, on sentait comme du négatif. Chez la police, oui. Avec l'enquêteur, il m'a posé des questions. Quand vous étiez au Maroc, vous étiez comment, votre vie? Bon, après l'enquête, ils ont décidé de nous dire non pour une différence d'âge qui est pour moi pas énorme, 10 ans de différence d'âge. Et puis parce que ma maman, de mon côté, n'était pas pour. Et voilà, donc c'est pas des excuses valables. Moi, je suis choqué en tant que citoyen belge, en tout cas, d'être traité de la sorte. Vraiment, je suis déçu. La commune de Pec s'est donc basée sur un avis du parquet. Sans s'exprimer sur ce cas particulier, la substitute Véronique Anton du parquet de Tournai explique le but de ce type d'enquête. L'intérêt de l'enquête, c'est de vérifier s'il ne s'agit pas d'une arnaque au sentiment. Et donc c'est pour ça qu'il faut vérifier si l'intention exclusive d'une des parties est uniquement d'obtenir un avantage au séjour. Laurent et Leïla continuent de clamer la sincérité de leurs sentiments. Ils ont introduit un recours. J'ai du mal à accepter ça, ouais. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a de l'abus dans ce domaine-là et tout, mais bon, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce couple de Pec est loin d'être un cas isolé. Le parquet de Monstournay fait environ 200 enquêtes par an pour soupçons de mariage blanc ou gris. Les experts psychiatres entendus aujourd'hui au procès de Bernard Westphal, ils vont aider les jurés à cerner les personnalités de l'accusé et de la victime. Le fils de Véronique Piroton, lui, ne viendra pas témoigner finalement sur conseil du médecin. L'amant de la victime sera, lui, entendu demain, en tout cas si le procès ne prend pas plus de retard. Aux États-Unis, le premier face-à-face réussi pour Hillary Clinton. Oui, la candidate démocrate a marqué des points lors du premier duel télévisé face à Donald Trump, son rival, c'était la nuit dernière. Les deux candidats à la présidentielle se sont écharpés pendant plus d'une heure et demie, mais pas de dérapage. Sonia Dridi a suivi pour nous ce premier match. Democratic nominee for President of the United States, Hillary Clinton, and Republican nominee for President of the United States, Donald J. Trump. C'était l'une des soirées les plus regardées sur le petit écran aux États-Unis. Tout le monde s'attendait à une bataille. Les échanges ont été musclés, mais plus courtois qu'on le prédisait. Trump s'est au départ retenu et c'est Clinton qui a commencé par attaquer. Il a commencé son business en empruntant 14 milliards de dollars à son père. Et il pense vraiment que le plus vous aidez les gens riches, le mieux c'est. Le candidat républicain a alors abordé l'un des dossiers les plus sensibles concernant Hillary Clinton, l'utilisation d'un serveur privé lorsqu'elle était secrétaire d'État. Je publierai mes déclarations de revenus seulement si elle publie ses 33 000 emails effacés. Dès qu'elle les publiera, alors moi aussi je publierai. Clinton a réussi son pari, placer Trump sur la défensive. Elle l'a accusé de racisme, de misogynie et de mensonge. De son côté, le candidat républicain n'a pas touché sa corde sensible en abordant le passé sulfureux de Bill Clinton ou encore le dossier Benghazi. Il s'est défendu comme il a pu. Hillary a de l'expérience, mais c'est de la mauvaise expérience. Hillary Clinton n'aura pas forcément gagné en sympathie après ce débat, mais elle est apparue plus en contrôle, avec des propositions plus précises. Trump a encore deux débats pour se rattraper. Compte rendu de notre correspondante aux États-Unis, Sonia Dridi. Prochain duel télévisé entre les deux candidats le 9 octobre prochain. Et puis du football avec le deuxième match en Ligue des Champions pour Bruges ce soir. Les Brugeois déjà sous pression après une défaite sévère, 0-3 face à Leicester. Bruges se déplace ce soir à Copenhague. Une équipe danoise solide. Bruges ne part clairement pas favori, même si Thierry Luters, le champion de Belgique, va mieux. Trois victoires en trois matchs, Eupen, Lommel et Moucron, avec trois buts inscrits à chaque fois. Le club brugeois a peut-être mangé son pain noir après un début de saison plus qu'hésitant. Les champions de Belgique abordent leur deuxième rencontre de poule en Champions League avec la ferme intention d'effacer la désillusion initiale et un 0-3 bien tassé face à Leicester. En principe, Copenhague, c'est dans les cordes des hommes de Michel Preud'homme. Ceux-ci y avaient d'ailleurs livré une prestation particulièrement aboutie en s'imposant 0-4 au Parken le 6 novembre 2014 en Europa League. Notez que les deux clubs sont quasiment inséparables puisqu'ils s'étaient déjà affrontés en 2012. C'était déjà en Europa League avec un 0-0 à la clé. Le coach liégeois des Brugeois redoute la puissance de cette formation danoise, toujours invaincue cette saison, toute compétition confondue. Mais même en l'absence d'Engels et de Rafaelov, tous deux toujours blessés, les Blauw en Zwart auront des arguments à faire valoir, notamment sur le plan offensif. Jelle Vossen vient d'inscrire son 100e but en championnat belge, alors que Joske Izquierdo retrouve la forme qui était la sienne lorsqu'il avait joué un rôle déterminant dans les play-offs 1 pour la conquête du titre. Copenhague-Bruges, coup d'envoi à 20h45, un match que vous pourrez suivre en direct sur Vivacité. On sera aussi attentif à l'affiche de cette soirée en Ligue des Champions. Elle oppose le Borussia Dortmund au Real Madrid. RTBF Mobile Info, Stéphane Piedbeuf, et ça, il y a toujours des problèmes ce matin sur la A54. Effectivement, il faut vraiment s'armer de patience entre Charleroi et Nivelles à hauteur de Buzet. Deux camions sont entrés en collision. Il y a des files depuis Timéon sur 8,5 km et la chaussée est toujours fermée d'ailleurs. Et puis ça a des répercussions aussi sur la Nationale 586 entre Sarre à Rêve et le Ring 24 de Nivelles. Donc du gravier et du mazout encombrent également la chaussée. C'est donc un problème qui risque de durer un certain temps. Itinéraire alternatif en venant de Namur ou de Charleroi, on vous conseille avec l'équipe RTBF Mobile Info de continuer sur le 42 vers Mons jusqu'à l'échangeur de Boisden pour prendre ensuite la 501 vers Familleureux et ensuite le 19 pour rejoindre Bruxelles. Toujours dans le Hainaut, un camion était en feu sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur de Feluy. Les bandes de droite et d'arrêt d'urgence sont toujours occupées par cet incendie qui normalement est maîtrisé puisque les pompiers sont sur place. Il y a 2 km de file en direction de Mons. Et puis un accident aux portes de Bruxelles entre Liège et Bruxelles à hauteur d'Everberg. La bande de gauche est neutralisée. Il y a des files depuis Everlé en direction de la capitale et il faut ajouter une vingtaine de minutes pour rejoindre Bruxelles depuis le 40 en venant de Liège. Sur les autres axes, c'est plutôt un quart d'heure supplémentaire qu'il faut ajouter à l'image de le 19 qui vient d'Anvers ou encore de le 411 qui vient de Namur. Et puis si vous quittez Bruxelles via le 40, donc Bruxelles-Liège à hauteur de Crenem, un accident s'est produit. Les voies de gauche et centrale sont occupées par les véhicules impliqués. On relève des files depuis Evere en direction de Liège. Il faut ajouter 25 minutes. Sur le ring de la capitale, un accident circulation circulation intérieure entre les quatre bras de Tervuren et Léonard. C'est la bande de droite qui est neutralisée. Il y a des files depuis Wezembeek-Oppum en direction de Waterloo. Ceci dit, sur le ring, on perd 25 minutes en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Et pour ce qui est de la circulation extérieure entre Ittre et le carrefour Léonard, c'est une vingtaine de minutes supplémentaires. Des ralentissements dans la plupart des tunnels bruxellois. Sachez qu'un prolongement d'une ligne de tram en raison de ça, eh bien, le tunnel de la Wolu est fermé dans les deux sens de circulation. Il y a des déviations mises en place et sur place, il y a pas mal de ralentissements. Donc soyez vraiment prudents et patients sur la route aujourd'hui. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé, place au débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. C'est peut-être pour vous une journée de break, profitez-en alors pour donner un avis. Merci Sébastien. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 07 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, à Étainpuy, le médecin qui samedi a renversé 10 cyclistes comme on renverse des quilles dans un bowling est mort de mort naturelle quelques heures après le drame. Comment digérer si on ne peut poursuivre personne? Samedi vers 13h30 à Étainpuy, un groupe de cyclistes entame donc une grande rando de 100 km. Tout d'un coup, une voiture arrive par l'arrière et percute les cyclistes. Un des cyclistes raconte que la voiture fonce, cycliste sur le capot, sur le pare-brise, en dessous du pare-brise, un petit Nice, dira un des cyclistes, en référence au camion qui avait fait ce carnage sur la croisette. Le véhicule est parti, il a été pris en chasse par un motard, arrêté, identifié. Le carnage... Et on a réalisé, après avoir été cet automobiliste, qu'en fait, il s'agissait du médecin du coin. Les cyclistes voulaient porter plainte, mais l'homme est mort d'une mort naturelle dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures seulement après son audition et son retrait de permis de 15 jours. 6 cyclistes sont blessés, dont certains au niveau des jambes. L'action est éteinte. C'est la question pour vous ce matin. Le médecin qui samedi a renversé 10 cyclistes comme on renverse des quilles dans un bowling est mort de mort naturelle, quelques heures après le drame. Comment digérer si on ne peut poursuivre personne ? À propos du trou de 4,2 milliards dans le budget, il se confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Est-ce que vous confirmez que vous achetez moins ou ailleurs ? Commençons par l'alcool, même si le plantage est encore pire pour le tabac, dit-on. L'État avait donc augmenté les accises sur l'alcool de 2,6 euros de plus par litre, augmentation également de 19,5 cents pour les vins et les mousseux et augmentation de 1 cent pour la bière. Et bien d'après des chiffres Sud-Presse dont la source n'est pas communiquée, fin août, ces hausses auraient dû rapporter 146 millions, et bien n'ont rapporté que 54 millions. Faites le compte, c'est un plantage de 92 millions qui ne sont pas dans les caisses de l'État. Au chapitre tabac, c'est encore pire. L'État avait décidé d'une hausse de 70 cents sur les cigarettes et de 1,85 euros sur le tabac à rouler. Eh bien, au final, les recettes TVA sont en baisse, les rentrées accises sont trop basses, l'État perdrait des dizaines de millions. Tout cela laisse penser que le Belge est parti acheter ailleurs. Alors la question pour vous ce matin, à propos du trou de 4,2 milliards dans le budget, il se confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et le tabac. Est-ce que vous confirmez que vous achetez moins ou ailleurs ? Et puis au 070-233-466, le fils de Véronique Piroton, 17 ans, ne viendra pas témoigner au procès pour ne pas remettre en cause l'élan qu'il met en place. À 17 ans, à votre avis, c'est mieux qu'il ne s'expose pas ou il loupe une opportunité. Jusqu'au bout, les avocats de la famille Piroton ont donc tenté de convaincre Victor, le fils de Véronique Piroton, de venir à la barre. Il avait 14 ans au moment de la mort de sa mère. Il était le témoin privilégié de la relation Westphal-Piroton. Il s'entendait bien avec son beau-père Westphal. Il avait l'amour maternel de sa mère. Dans une lettre, elle lui avait même promis d'être forte. Eh bien, Victor ne comparaîtra pas. Le certificat médical rédigé par le médecin estime que cette comparution est de nature à remettre gravement en cause l'élan que Victor met en place. Un processus est déjà gravement remis en cause par la surmédiatisation de l'affaire. C'est la question pour vous ce matin. Le fils de Véronique Piroton, 17 ans, ne viendra pas témoigner. À 17 ans, à votre avis, c'est mieux qu'il ne s'expose pas ou il loupe une opportunité? Le standard est ouvert, Zoé Boss. Acrobate du téléphone, Marion Jomotte jongle avec le 070-233-466 et livre au SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats, dansez-vous qu'il dit. Le médecin chauffard d'Estampuis est décédé, des axes qui font un flop et l'absence du fils de Véronique Piroton au procès Westphal. Le débat, c'est vous qui le faites. Avec nous ce matin, Sergio Honoré, directeur éditorial du journal Spirou, et Nawal Ben Salem, journaliste à la dernière heure, sont là pour vous accompagner. Nawal, Sergio, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Commençons par ce terrible accident de la route à Étainpuis ce week-end. Le médecin arrive par l'arrière, il renverse les cyclistes comme on renverse des quilles. Les blessés veulent porter plainte, sauf que dans la nuit du samedi au dimanche, juste après l'audition, le médecin est mort. Et on a bien précisé de mort naturelle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous chipote d'abord, Nawal? Ce médecin est entendu, il est sous l'influence de l'alcool et de médicaments. On l'entend, lui retire le permis, il va devoir répondre. Et il meurt quelques heures après. Ce qui me chipote le plus, c'est qu'on lui retire le permis et voilà, ça s'arrête là. Maintenant, le fait qu'il décède juste après, finalement, je dirais que c'est peut-être pas plus mal dans le sens où, je m'explique, dans le sens où un procès n'est pas un aboutissement nécessaire en soi. Et parfois, ça peut faire plus de mal aux victimes que l'inverse. Parce que bon, on va être pris pendant des années pour, au final, et on le voit trop souvent en Belgique, être déçu par la justice qui ne condamnera peut-être pas cet homme. Donc là, on est fixé tout de suite plutôt que d'être dans l'incertitude comme ça pendant très longtemps. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent en Belgique. Donc pour moi, c'est pas plus mal. En vous mettant peut-être, Sergio, dans la peau de ces cyclistes. On est là face à un coupable qui est identifié. Il a renversé les cyclistes, il a continué à rouler, puis il a pris la fuite. Un motard a dû le pourchasser. Cet homme est le médecin du village. Il y a beaucoup d'éléments très forts dans ce dossier et on ne pourra pas le poursuivre. Est-ce que c'est frustrant? Comme victime, c'est effectivement frustrant parce que toute la frustration, toute l'amertume, toute la tristesse, toute l'agressivité, en fait, l'objet de tout ça, bien, disparaît. Donc, en fait, ces victimes se retrouvent avec tous des sentiments, des émotions qu'ils doivent garder pour eux-mêmes pour l'instant. Et s'ils ne trouvent pas une manière de canaliser ça de manière positive, c'est effectivement dommage pour leur vie, pour leur manière d'avancer dans la vie. Là, on avait un coupable qui était clairement identifié. Parfois, le coupable est dans la nature et on ne sait pas. Là, il était clairement identifié. Sur qui va se reporter alors la rancœur, l'amertume, le besoin de justice, Nawal? Mais sur personne, enfin en tout cas sur cet individu clairement identifié, mais pas pour autant puni par la suite. Et c'est là où je veux dire que ces victimes seront peut-être davantage déçues, bien plus énervées dans quelques années si elles avaient eu affaire à un procès où cet homme serait peut-être acquitté. Donc là maintenant, elles peuvent enfin commencer leur deuil. Je transforme la question. Est-ce qu'on peut estimer, Sergio, que la mort de cet homme, mais de mort naturelle, c'est une forme de justice? Le coupable n'est plus là. Non, c'est certainement pas une forme de justice parce que s'il était là, bien, il y aurait à la fois les victimes et puis il y aurait le ministère public qui s'adresserait et qui demanderait des comptes aux coupables. Là, malheureusement, et pour les victimes, ils doivent transformer cette espèce d'amertume, cette rancœur, ce besoin de justice en un autre geste. Et il sera nécessaire de le faire avec un appui psychologique ou quelque chose, mais il sera nécessaire pour eux quand même de poser un geste qui leur permette d'avancer. Il n'y aura pas de sanction forcément, mais il n'y aura pas non plus de pardon. Est-ce que ça, c'est un élément qui est terrible aussi, Sergio? Il n'y aura pas de pardon. C'est vrai que j'ai continué à foncer. J'avais un cycliste sur mon pare-brise, sur mon capot, en dessous de la voiture, mais j'ai continué. Il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon, parce que la personne qui peut être pardonnée n'est plus là, donc fatalement, oui. Il n'y aura ni sanction, ni pardon. L'absence de pardon, Nawal. Le pardon, oui, aurait peut-être été utile. Maintenant, est-ce qu'il aurait été prononcé par cet individu? Ça, c'est encore la question. Ah, ça restera un point d'interrogation. On va demander un avis à Jette. Michel, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. A Étainpuis, le médecin qui samedi a renversé 10 cyclistes comme on renverse des quilles dans un bowling est mort de mort naturelle quelques heures après le drame. Comment on peut digérer si on peut poursuivre personne? Mais disons, pour moi, bon, c'est tout de même un cas atypique, hein, qui n'illustre pas du tout les quatre délais de fuite, etc. Quoi, attendez, il y a un dossier quand même avec une dizaine de cyclistes qui ont été percutés, il y en a 6 qui sont lourdement blessés, et ces gens voulaient porter plainte, ils ne pourront pas le faire. Comment ils vont vivre avec cette frustration-là? Oui, Mais bon, ce qui est compliqué aussi, c'est que ce médecin n'était pas malade déjà avant, etc. Quoi. Je veux dire, moi je suis mal à l'aise par rapport à ce cas bien précis, parce que bon, il y a un nombre énorme de délits de fuite, mais bon, ici, bon, il meurt un jour après. C'est quand même bizarre, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est pas simplement... Bon, est-ce qu'il n'a pas fait un malaise ou quoi, donc... Ah, les autorités ont dit mort naturelle en le répétant, mais avec des investigations pour bien vérifier qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Mais ça vous met mal à l'aise, vous avez un doute. Non, c'est une mort naturelle, mais je veux dire, le fait d'avoir heurté ce cycliste, bon, est-ce que c'était... Il n'a pas fait un malaise au volant, etc. Ah, il était sous l'emprise de l'alcool et de médicaments. Oui, mais bon, il est tout de même mort un jour après, quoi. Donc, je veux dire, bon, est-ce qu'il n'a pas fait... Bon, peut-être suite à ses médicaments, mais est-ce qu'il n'a pas fait un malaise ou... Et je vous repose la question alors, Michel, des cyclistes, puisque c'est celle-là qui nous occupe ce matin. Ces hommes voulaient réparation, voulaient justice. Ils n'ont rien à part la mort d'un coupable. Et... Disons oui, il n'y aura pas de vérité judiciaire, quoi. Donc là, bon, je me rends compte que ça doit être difficile à vivre. Absence de donc, vérité judiciaire, comment on peut vivre avec ça? Michel, vous êtes à Jette, on ira peut-être plus loin dans la conversation tout à l'heure. Alors soyons de bon compte, même s'il faut respecter la parole des autorités. Il y a des investigations pour voir s'il s'agit vraiment d'une mort naturelle. Vous qui suivez souvent les faits divers, Nawal, c'est bizarre, non? Ou on ne peut pas dire que c'est bizarre? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est bizarre, pas du tout, ça peut arriver. Hein, c'est arrivé à cet instant là, voilà. Mais de là à qualifier ça de suspect, personnellement, non. Suspect ou pas suspect, Sergio? Non, je dirais pas que j'ai suspect, mais voilà. Il faut donc respecter cette parole. La question pour vous ce matin est un puits. Le médecin qui a samedi renversé 10 cyclistes est mort de mort naturelle quelques heures après le drame. Comment digérer si on ne peut poursuivre personne? Sergio? Mais je vais dire, continuez à rouler à vélo, mais ne prenez pas le volant en ayant bu. Dans un instant, c'est le deuxième débat sur la table. Un trou de 4,2 milliards dans le budget. Il se confirme que l'État s'est planté pour l'augmentation des accises alcool et tabac. Ensuite, le fils de Véronique Piroton, 17 ans, qui ne veut pas aller au procès. Est-ce que c'est mieux comme ça? Et puis 10h45, la question qui dérange. Est-ce que dans le dossier SN Brussels Airlines, est-ce que les Allemands ne nous auraient pas arnaqués? Ils rachètent SN Brussels Airlines pour seulement 2,6 millions d'euros. Y a arnaque? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métairie. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métairie, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Prêt à acheter moins cher toute l'année, électro-dépôt révolutionne Anderlecht. J-1. Plus d'infos sur électrodépôt.be. Électro-dépôt. Galerie Toison d'or, j'adore. Allô Agnès? Oh, c'est top top top. Les magasins de la Galerie Toison d'or ouvrent tous les premiers dimanches du mois. Donc, dimanche 2 octobre, ils seront ouverts de 12h à 18h. Trop bien pour découvrir les nouvelles collections. À dimanche alors. Galerie Toison d'or, j'adore, j'adore. Vivacité et la 2 présente le Belfius Brussels Marathon et Semi-Marathon. Lancez-vous dans un marathon, un semi-marathon ou un parcours de 5 km à travers notre capitale. Le Marathon et Semi-Marathon de Bruxelles, le dimanche 2 octobre. Départ au cinquantenaire, arrivé devant la bourse. Infos et inscriptions, brusselsmarathon.be. chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table, je vous rappelle le principe, ce sont vos appels qui déterminent le sujet unique de la deuxième partie. Avec Sergio Honoré, le journal de Spirou, avec Nawal Ben Salem, la dernière heure, les sports. À propos donc de ce fameux trou dans le budget de 4,2 milliards, c'est énorme, il se confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac, là où on pensait récupérer beaucoup de millions, chiffre à l'appui dans Sud Presse ce matin, eh bien on n'a pas récupéré beaucoup de millions, pas du tout. Les ventes d'alcool en baisse, les ventes de tabac en baisse, qui laissent entendre que tout le monde est parti acheter ailleurs. D'abord sur le principe, Sergio, est-ce que vous auriez pu vous dire au gouvernement à l'avance qu'en augmentant les accises, ils allaient se planter, qu'ils ne récupéreraient pas l'argent comme prévu? Vous auriez pu leur dire avant ou pas? Non, je n'aurais pas pu le dire parce que je ne suis pas un expert là-dedans et pas un expert en sociologie. Mais j'ai quand même toujours... Ça me paraît toujours bizarre de compter et de taxer et de compter sur des revenus qui viennent... d'une perversion, on va dire, d'une forme de, d'exagération du tabagisme ou de l'alcoolisme. Ça me semble toujours un peu bizarre pour un État de dire « Ah ben on va gagner de l'argent sur les gens qui boivent et les gens qui fument. » Donc sur l'alcool, on a fait plus 2,6 euros le litre. Pour le vin, on a fait plus 19,5 cents. Pour la bière, on a fait plus 1 cent. Vous auriez pu dire à l'État, Nawal, qu'ils allaient se planter, que tous les Belges allaient partir ailleurs? Mais je ne suis pas expert en la matière, mais il n'est en revanche pas difficile de deviner qu'on est en Belgique, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, bah, il faut quitter le continent pour aller se fournir ailleurs. Ici, on est dans un tout petit pays où à une heure, on est en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, on peut facilement se fournir ailleurs. Donc pour moi, c'était prévisible quand même de savoir que les Belges bah, allaient voilà, tout simplement aller dans les pays avoisinants. Est-ce que vous constatez le mouvement, Sergio. Les Belges vont chercher leur alcool en France, au Luxembourg. Tabac, on va acheter ailleurs aussi. Est-ce que vous constatez ce mouvement dans votre entourage? Non, je ne constate pas dans mon entourage, mais en tout cas, je le constate effectivement que les gens sont plus attentifs à ça, sur les duty-free ou sur le prix effectivement du tabac, de la cigarette et de l'alcool. Donc, s'ils sont plus conscients de ça, j'imagine que quand ils partent en voyage, ils prennent plus facilement des réserves. Ça veut dire que l'État ne peut s'en vouloir qu'à lui-même? Il a poussé les gens à faire du shopping et à s'intéresser aux prix à l'étranger? Ouais, c'est un drôle de, pour moi, c'est un drôle de calcul. C'est un truc un peu particulier. Mais effectivement, on peut se rendre compte que la Belgique est un petit pays quand même. Je vous donne des chiffres, même s'ils ne sont pas sourcés dans Sud Presse. Fin août, pour l'alcool, les hausses auraient dû rapporter 146 millions. Eh bien, on n'était qu'à 54 millions. Il y a un plantage de 92 millions. Est-ce que vous dites waouh, Nawal? Ben, erreur, hein, erreur monumentale du gouvernement, encore une fois, ils auraient dû penser que si le Belge va régulièrement se fournir en bouteilles d'eau, par exemple, chez les Français, eh bien, il n'était pas compliqué non plus d'aller se fournir en vin, en tabac. Donc, pour moi, c'est une erreur quand même, hein, c'est de l'amateurisme du gouvernement sur ce point-là. Mais c'est à ce moment-là que j'aurais taxé un peu plus les accises sur l'essence et le diesel, puisque les gens prennent plus facilement leur voiture pour aller chercher, pour aller faire leurs courses à l'étranger. Ah ben ils ont choisi alcool et tabac. À propos du trou de 4,2 milliards dans le budget, il se confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Othon en ligne. Robert, bonjour. Bonjour Benjamin. Robert, vous confirmez que vous achetez moins ou que vous achetez ailleurs? Ben écoutez, moi j'habite Othon, c'est à 50 km à peu près de Martelange. Ben je vais faire mes courses là-bas, je vais acheter mon alcool, mes cigarettes et le plein d'essence. Alors j'y gagne fameusement, vous savez. Vous pouvez nous chiffrer les économies que vous faites et le nombre de déplacements que vous faites? Ouais, écoutez, c'est bien simple. Sur une bouteille de whisky, je gagne 6 euros. C'est déjà une chose. Sur les cigarettes, par paquet, je gagne 50 cents. Ben, vous faites le compte et le plein d'essence aussi. Alors, voilà quoi. Par bouteille de whisky, vous gagnez 6 euros? Oui. Ici, au Luxembourg, à Martelange, elle est à 9 euros. Et ici, par exemple, au Carrefour, ou bien... chez Colruyt, et ils sont à 15-16 euros ici, la bouteille. Bon, ben, à quelle fréquence vous allez faire vos courses au Luxembourg? Toutes les semaines? Ouais, une fois par mois. Une fois par mois. Et pour voilà. Le whisky, par exemple, vous ramenez combien de bouteilles? Ouais, ça dépend. 2, 3, 4, ça dépend. Comme ça, bon, je suis tranquille, quoi. Et surtout, on fait bien les provisions pour les fêtes, et on y gagne. Robert, voilà. Vous auriez pu dire, vous, à l'avance, au gouvernement, qu'il allait se planter en augmentant les accises? Ben, écoutez, faut pas prendre les gens pour des cons, hein. Ils savent très bien, comme la dame a dit, c'est un petit pays, la Belgique. Hein. Vous prenez votre voiture, vous faites vos courses à bar, vous faites votre plein d'essence et vous y gagnez encore. Alors, ben, ils n'ont qu'à un peu taxer les multinationales et aller chercher leur pognon au Panama ou un truc comme ça. Robert, parce pourquoi vous le savez? Pourquoi Nawal a l'air de le savoir et que le gouvernement ne le sait pas? Parce que le gouvernement, il a augmenté. Ouais, mais moi, écoutez, il faut leur demander ça. Hein. Moi, je ne suis pas au gouvernement, c'est bien dommage. Bon, enfin, une fois voilà. Par mois au Luxembourg, 2, 3, 4 bouteilles de whisky, 6 euros d'économie. Voilà la preuve qu'il y a exil de ceux et celles qui font les courses. On verra si on peut aller plus loin tout à l'heure, Robert. Je termine autour de la table. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce dossier accise, alcool et tabac? On baisse alors? On baisse puisqu'on voit que tout le monde va acheter à l'étranger, Sergio, que doit faire le gouvernement? Il y a peut-être aussi un constat à faire. On ne sait pas si cette transformation est due uniquement à un exil ou bien aussi à une consommation moindre. Et si c'est une consommation moindre de tabac, en fait, on peut s'en réjouir. Ah ben alors vous misez sur quoi? Alors sur un achat d'alcool et de tabac ailleurs ou vous misez, Nawal, sur une baisse de consommation? Non, une baisse comme ça d'une année à l'autre, une baisse aussi importante, je n'y crois pas un instant. Je pense plutôt à un exil, oui, des gens qui vont ailleurs, comme on le voit régulièrement pour toute une série d'autres produits. Ils auraient dû y penser. Trou de 4,2 milliards dans le budget et il se confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Est-ce que vous confirmez que vous achetez moins ou que vous achetez ailleurs? Dans un instant, le troisième débat sur la table. Le fils de Véronique Pirotton, 17 ans, n'ira pas au procès. Il loupe une opportunité ou c'est mieux qu'il ne s'expose pas? Et puis 10h45, la question qui dérange. Demain, Lufthansa va sans doute racheter SN Brussels Airlines pour 2,6 millions. Est-ce que les Belges se sont fait arnaquer par les Allemands? Quand Brussels Airlines a voulu rembourser sa dette, les Allemands ont dit non, non, non, non, non. Et aujourd'hui, c'est parce que la dette est grosse qu'ils veulent racheter à un si bas prix. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Un appartement, deux chambres, entièrement équipé à partir de 185 000 euros, hors TVA et frais, à City Docks. City quoi? City Docks, D-O-X, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, visitez le pavillon de vente sur le site. Du studio aux trois chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Cuisine Dovi fête ses 36 ans avec 36 journées folles. Maintenant, lave-vaisselle gratuit, pack à induction plus casserole assortie en cadeau. Conditions sur dovi.be. Cuisine Dovi. Nous créons votre cuisine. Ce message s'adresse à vous qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment? On part 3 semaines, 3000 euros? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, yes, yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins, à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Mais enfin, pourquoi tu te compliques la vie? Pour les prix, le choix, la livraison express, commande sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Vive les animaux! Le samedi 1er octobre chez Tom & Co, c'est la fête des animaux. Moins 15% sur tout le magasin. Le samedi 1er octobre, votre animal est roi chez Tom & Co. Plus d'infos sur tom&co.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Le troisième débat sur la table avec vous, avec Sergio, le journal de Spirou, avec Nawal, la dernière heure. Le fils de Véronique Pirotton, 17 ans, ne viendra donc pas témoigner au procès. Que dit le certificat médical du médecin pour ne pas remettre en cause l'élan qu'il met en place? Cet élan et ce processus qui est déjà gravement remis en cause par la surmédiatisation de l'affaire, certificat médical, alors que les avocats de la famille Pirotton insistaient pour qu'il vienne. Eh bien, Victor, 17 ans, ne viendra pas. Qui mieux que lui pour connaître la relation qu'il avait avec sa mère? Qui mieux que lui pour parler de sa mère? Qui mieux que lui pour parler du couple Westphal-Pirotton? À votre avis, Nawal, c'est mieux qu'il ne s'expose pas? Où il loupe une fameuse opportunité. Quelle opportunité. Non, pour moi, personnellement, je trouve que c'est mieux qu'il ne s'expose pas. Il est jeune, il a déjà eu assez d'épreuves comme ça endurées ces trois dernières années. Donc, je pense que c'est mieux qu'il reste chez lui avec des adolescents de son âge et qu'il ne vienne pas subir ce procès. Est-ce que vous voyez une opportunité personnelle, l'occasion de parler de sa maman, de s'exposer aux faits, de s'y confronter une première et une dernière fois peut-être? Alors, j'imagine que dans la construction de cet adolescent qui a connu un drame à 14 ans, c'est quand même compliqué pour lui de rentrer dans le monde des adultes et de se construire, et de se construire effectivement au milieu de toute cette surmédiatisation, de parler en plus de la relation qu'il avait avec ses parents, ou des modèles que pouvait constituer le couple Westphal-Piroton. Ça doit être extrêmement dur pour lui, et s'il a décidé de faire un pas de retrait, comme en plus c'est pas un témoin direct, je pense qu'il a tout à fait raison. Est-ce qu'il aurait pu avoir un apport? Parce qu'on dit, c'est reconnu par tous, qu'il s'entendait bien avec Bernard Westphal, qui était son beau-père, et on dit qu'il avait l'amour et l'oreille de sa maman. Il les connaissait bien, est-ce qu'il aurait pu avoir un apport? Mais un apport dans ce qu'il a déjà déclaré, oui, dans le sens où apparemment il aurait dit que Bernard Westphal n'avait jamais été violent avec sa maman avant. Oui, ça peut être utile. Mais maintenant, tout ça, il l'a déclaré. Il y a des procès-verbaux là-dessus. Il y a d'ailleurs son audition vidéo filmée. Maintenant, on apprend ce matin, et c'est bien dommage, qu'elle ne peut pas être diffusée parce que à la cour d'assises de Mons, on n'a pas de Blu-ray. Ça, c'est quand même complètement surréaliste. Donc, les Flamands n'ont pas utilisé le système que les francophones. Ben oui, les Flamands étaient plus modernes pour le coup, hein, c'est pas la première fois. Donc, visiblement, on n'arrive pas à s'adapter, on n'arrive pas à trouver un Blu-ray pour lire cette audition. Ça, c'est vraiment ridicule. Je pense que, justement, le passage de cette audition-là aurait été largement suffisant et que la présence de ce jeune homme n'était pas nécessaire. Est-ce qu'elle avait la même force, diffuser un Blu-ray ou une cassette vidéo et avoir l'audition en réel face à soi? Est-ce que ça a la même force, Sergio? Alors, je connais pas ce garçon et j'imagine que l'émotion qu'il peut transmettre à travers un témoignage filmé ou être présent, ça peut avoir la même force, comme ça peut avoir une force différente. Il peut être impressionné par la cour d'assises, ce qui n'est peut-être pas dans un témoignage qui est plus confidentiel et plus fermé. Donc, on ne peut pas le dire ici. C'est ce qu'on peut effectivement défendre, c'est la construction de cet adolescent et de se dire, s'il désire ne pas témoigner, il faut prendre ça en compte et à le respecter. On va demander un avis à Lost. Jennifer en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Jennifer, le fils de Véronique Piroton, 17 ans, ne viendra pas témoigner au procès pour ne pas remettre en cause l'élan qu'il met en place. À 17 ans, à votre avis... Moi, je trouve ça normal, monsieur. C'est mieux qu'il ne s'expose pas? Oui. Pourquoi? Vous vous imaginez un peu ce que ce garçon entend, monsieur? Il entend que sa mère s'est peut-être fait tuer, il entend que c'était une alcoolique, enfin voilà, c'est un peu... Moi, je trouve ça normal, désolé. Attendez, quelle était la demande, Jennifer? Jennifer, la demande n'est pas qu'il vienne assister à toutes les audiences en entendant le pire et son contraire. La demande était qu'il vienne témoigner une fois pour parler de sa maman et pour parler de son beau-père. Moi, je pense qu'il a raison, monsieur. Désolé, mais c'est ce garçon, il a raison. Est-ce qu'il pourra avec avoir... tous les médias qu'il y a et tout, mettez-vous un peu à sa place, il a 17 ans, le gamin. Est-ce que ça peut avoir un intérêt pour lui de se confronter à cette vérité, une fois pour toutes, pour fermer une page, tourner une page? Monsieur, la vérité, on la connaîtra jamais vraiment. Hein. Il n'y avait que deux personnes dans cette chambre. Hein. Est-ce qu'il aurait pu avoir un apport intéressant? De toute façon, monsieur, moi, je vais vous dire, je trouve ça scandaleux qu'on puisse remettre en compte le fait que ce gamin ne veuille pas aller. Mettez-vous à la place de ce gamin de 17 ans qui a non seulement il a perdu sa mère, mais en plus de ça, il entend que sa mère est une alcoolique, si ça là, machin. C'est quand même une victime aussi, ce gamin. Hein. Jennifer, est-ce que les avocats auraient dû le convaincre d'eux, les avocats, parce que ça pourrait peut-être servir à l'un ou l'autre, notamment à Bernard Westphal qui, dit-on, avait une bonne relation avec lui. Est-ce que les avocats auraient dû insister? Monsieur, on peut avoir une très bonne relation avec un gamin et on peut péter un câble, hein, monsieur. Ça arrive dans un couple qu'on pète un câble. ça peut arriver, hein. Je retiens alors que vous préférez ne pas le voir au procès, c'est le choix qui a été fait avec certificat médical. On termine, Jennifer, autour de la table, très rapidement. C'est une vraie demande nawal médicale du médecin qui a dit « jeune homme, ne t'expose pas » ou vous pensez que ce sont les avocats de la famille Pierrotton qui ont préféré que ce témoignage-là ne vienne pas au procès ? Non, au contraire, les avocats de la famille Pierrotton ont insisté et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de pression sur cet enfant depuis déjà des semaines. Les proches de Véronique Pierrotton, les avocats, tout le monde a insisté pour qu'il vienne. Jusqu'au dernier moment, il a dit qu'il ne savait pas trop. Heureusement, finalement, que ce médecin est intervenu en disant « il ne viendra pas, point barre ». C'est tout. Une sensation, vu la médiatisation d'eux, vous pensez qu'à 17 ans, dans le monde connecté actuel, vous pensez que ce jeune homme peut ne pas percevoir, ne pas avoir d'écho du procès ou c'est impossible, Sergio ? Bien sûr qu'il a des échos du procès, à mon avis, tous les jours et à chaque heure, ça doit le tarauder ou ça doit être autour de lui. Donc, laissez-le se reconstruire et en fait, je pense que c'est ça la bienveillance qu'on peut avoir vis-à-vis de cet adolescent. Sergio Honoré, Nawal Ben Salem, bonne journée tous les deux. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466. Et par SMS, 3063, 50 centimes par message. À Étainpuy, le médecin qui a renversé 10 cyclistes comme on renverse des quilles dans un bowling est mort de mort naturelle quelques heures après le drame. Comment digérer si on peut poursuivre personne ? Ensuite, à propos du trou de 4,2 milliards dans le budget, il se confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Est-ce que vous confirmez que vous achetez moins et où ailleurs ? Et puis le fils de Véronique Pierrotton, 17 ans, ne viendra pas témoigner au procès pour ne pas remettre en cause l'élan qu'il met en place. À votre avis, c'est mieux qu'il ne s'expose pas ou il loupe une opportunité à 17 ans ? 070 233 466 par SMS au 3063. Conversation à tourner maintenant. Gilles, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et donc à Étainpuy samedi, une voiture arrive derrière un groupe de cyclistes. Percute, cycliste sur le capot, sur le pare-brise, en dessous de la voiture. L'homme s'enfuit, poursuivi par un motard. C'est le médecin du village, il meurt quelques heures après. Vous pensez que les cyclistes vont digérer ça ? Tout d'abord, je souhaite un bon rétablissement à tous et toutes les personnes qui ont été blessées. Et moi, je trouve ça inadmissible en plus, c'est un médecin, c'est déjà honteux, c'est honteux. Un médecin doit être conscient et prendre acte de ses gestes. Faire ça, c'est inadmissible. Oui, mais c'est un médecin malade qui allait s'arrêter, Gilles, c'est un médecin malade qui allait s'arrêter et qui voulait faire sa dernière tournée de patients. Oui, mais quand on fait une dernière tournée de patients, on doit être à jeun, il faut montrer l'exemple. Et dans l'état où il était, moi je trouve ça honteux. Moi, c'est un médecin qui aurait dû arrêter depuis bien longtemps, puisque sa femme était bien au courant de son cas. Donc moi, je vois pas pourquoi qu'il pratiquait encore. Vous vous rendez pas compte ? Vous allez à vélo, Benjamin, vous passez un dimanche entre amis, et vous faites percuter par quelqu'un qui est ivre au volant. Mais c'est honteux. Gilles, est-ce que les cyclistes ce matin peuvent être apaisés ? Le coupable ne devra pas répondre devant la justice, mais le coupable n'est plus. Est-ce que c'est une forme d'apaisement pour les cyclistes ou pas du tout ? Ah ben pas du tout, Benjamin. C'est justement une double frustration. Pourquoi ? Parce que ces gens, déjà, ils ne vont plus savoir sur qui en vouloir. Bon, maintenant, il est décédé. Mais de quoi il est décédé ? Est-ce qu'il faut le prouver ? Moi, franchement, je serais dans le cas. Moi, je demande une autopsie. Je m'en dis d'autres types puisqu'il était sous l'influence de l'alcool et de médicaments. Qui dit qu'il n'a pas pris des médicaments en plus ? Donc à la question, comment digérer si on peut poursuivre personne ? Comment digérer ? Vous dites en demandant une autopsie pour avoir le fin mot de la mort de cet individu. Ben tout à fait, c'est comme quelqu'un qui perd un membre de sa famille. On doit faire le deuil de ça. Ce sont des gens. Moi j'ai discuté avec. Et si c'est vraiment une mort naturelle ? Pardon ? Si c'est vraiment une mort naturelle, qu'une autopsie dit mort naturelle, il n'y a pas de doute. Alors quoi ? Mais de toute façon, c'est impardonnable. Parce que ces gens-là étaient un dimanche, ils faisaient leur passion. Moi, j'ai discuté avec un cyclotouriste hier, Benjamin. Il pleurait, ce monsieur. Il dit, ça peut arriver à tout le monde. Mais on n'entend plus que ça. Mais c'est un geste qui est impardonnable. J'entends impardonnable, mais le médecin n'est plus. Le médecin n'est plus décédé d'une mort naturelle quelques heures après l'audition dans la nuit de samedi à dimanche. Comment on peut digérer ça ? Impardonnable, me dites-vous, Gilles. Le RTBF Mobile Info, maintenant, Stéphane. Et la situation est toujours compliquée, Benjamin, sur l'A54 qui relie Charleroi à Nivelles à hauteur de Buzet. Deux camions sont entrés en collusion tôt ce matin et la chaussée est toujours fermée avec des répercussions sur la Nationale 586 entre Sarre-Arève et le Ring 24 de Nivelles. On vous conseille de continuer sur l'E42 en direction de Mons pour rejoindre Bruxelles. Et à Boisden, vous prenez l'A501 vers Familleureux. Ensuite, le 19 en direction de la capitale. Et puis, non loin de là, un camion est en feu sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur de Feluy. La bande d'arrêt d'urgence est

Mais on auditionne bien à la cour des gens qui connaissaient Véronique Pirotton, des proches, pour cerner un peu le portrait de ceux et celles qui sont impliqués. Qui d'autre que lui pour parler de sa maman? Qui d'autre que lui pour parler de la relation couple que sa maman avait avec un homme? Est-ce qu'il a un rôle privilégié? Je ne vois vraiment pas ce que ça changerait d'être proche ou pas proche de sa maman. S'il est proche de sa maman, il sera contre son beau-père. Et s'il aime son beau-père, qu'est-ce qui va se passer? Comment voulez-vous qu'il soit bien dans sa tête, ce gamin-là? Que dit le certificat médical? Il ne peut pas comparaître parce que c'est de nature à remettre gravement en cause l'élan que Victor met en place. Est-ce que ce procès, à votre avis, est à ce point visible qu'il sait tout ou il peut se protéger de ce procès? Mais il doit se protéger de ce procès. Il ne doit absolument pas y participer. Absolument pas. Mais c'est possible de s'en protéger, vu la couverture médiatique d'eux, c'est possible de s'en protéger? Non, et je trouve que c'est une couverture médiatique beaucoup, beaucoup trop large pour cette pauvre famille, de toute façon. Un mot sur le témoignage. On diffusera, si la technique le permet, l'audition de ce jeune homme quand il avait à l'époque 14 ans. Est-ce que ça a la même force, une audition enregistrée à 14 ans et une vraie parole en face à face à 17? Est-ce que ça a la même valeur pour vous? Non, pas du tout. Et il y en a un qui est plus fort tout. Que l'autre? Ben, bien sûr. Lequel? Bien sûr. Ben, tout simplement parce qu'à 14 ans, on a pris son témoignage à chaud. Il ne pouvait pas penser, entre guillemets, normalement. Et maintenant, avec le recul, qu'est-ce qu'il peut bien penser? Avec tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu dans les télévisions, etc., il ne peut pas être bien dans sa tête, ce gamin-là, maintenant. De toute manière, il n'était pas bien à 14 ans, et il n'est pas bien maintenant non plus. À la question, est-ce que c'est mieux qu'il ne s'expose pas ou il loupe une opportunité? C'est mieux qu'il ne s'expose pas, me dites-vous, Agnès. On verra si on peut aller plus loin tout à l'heure. Namur, maintenant en ligne. Jean, bonjour. Bonjour, Sébastien. Benjamin, quelle est votre profession, Jean? Je suis douanier. Ok. À propos du trou de 4,2 milliards dans le budget, il se confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur alcool et tabac. Vous, le douanier, vous confirmez que les Belges ont acheté ailleurs? Effectivement. Moi-même, je me fournis à l'étranger à chaque fois que je pars en voyage. Mais vous achetez quoi à l'étranger? Des tonnes d'alcool, vous, le douanier? J'achète pas des tonnes. J'achète pour ma consommation. J'achète beaucoup d'eau. J'achète... Je ne fume pas, donc je prends quelques alcools, mais je confirme que dans le cadre de mes voyages, je ramène aussi ma petite marchandise. Jean, à propos de l'alcool, puisque c'est ce qui nous occupe ce matin et que vous ne fumez pas, l'alcool, vous allez l'acheter où? France, Luxembourg, ailleurs? France et Luxembourg. Vous pouvez nous donner des différences de prix? Réellement, non, parce que... Je pense que dans la première idée, c'est que dès que le gouvernement augmente quelque chose, le Belge directement, même s'il ne gagne qu'un euro, deux euros, va acheter à l'étranger, parce que on constate ça de dire. Mais donc vous auriez pu dire au gouvernement, vous auriez pu dire si vous aviez été à la table des ministres, attention, si vous augmentez les accises, tous les Belges vont aller ailleurs. Vous auriez pu le dire. Effectivement. Et de l'autre côté, on constate que le désinvestissement de l'État dans les fonctionnaires et dans les moyens, puisque depuis quelques années, on crie, on va économiser sur toutes les différents pans des finances, on arrive à voir que, ou plutôt à ne plus voir sur la route, Le douanier, et par conséquent... Vous savez qu'il y a des quantités, c'est pas à vous que je vais la prendre, hein. Il y a des quantités qu'on peut ramener, puis il y a des quantités qu'on peut pas ramener, mais il y a des doses autorisées. Jean, le douanier, qui lui-même achète à l'étranger. On marque une pause, et puis dans un instant, à Saint-Nicolas, Anne viendra nous dire comment les cyclistes d'Étainpuis peuvent se remettre, puisque le médecin qui a renversé les cyclistes comme on renverse des quilles est mort. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel, et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, porte et châssis avec une promesse, la transparence. Ce message s'adresse à vous qui venez de rembourser votre maison ou dont les enfants sont grands et indépendants. Oui, vous, qui vous demandez comment faire fructifier cet argent, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Chez CBC, nos conseillers sont vraiment à votre écoute. Ils prennent le temps de vous expliquer les choses simplement, quoi qu'il arrive. Investir ? Parlons-en. Passez nous voir ou rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité La Une présente André Rieu en concert. Le roi de la valse revient avec son orchestre et 300 danseurs pour un formidable concert de nouvel an. André Rieu, le 8 janvier au Palais 12 à Bruxelles. Info et tickets, www.andrerieu.com. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. Vivacité et La Une présente le premier festival international de films de comédie de Liège. Du 23 au 26 novembre, rencontrez les professionnels du cinéma et faites-le plein de rires et d'émotions au Cinéma Palace et sur la place Saint-Paul. Info fifcl.be avec la ville et la province de Liège et la région Wallonne. Stop ! Dormir c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, le fils de Véronique Pirotton, 17 ans, ne viendra pas témoigner au procès pour ne pas remettre en cause l'élan qu'il met en place. À votre avis, c'est mieux qu'il ne s'expose pas ou il loupe une opportunité à ce propos ? Et à ce propos, j'ai eu Michel de Jette. Pour elle, c'est mieux qu'il ne s'expose pas. Elle comprend qu'il n'ait pas voulu venir au procès. C'est sa vie privée. Le fils de Véronique Pirotton doit pouvoir faire ce qu'il veut. Peut-être qu'il ne veut pas créer un double conflit de loyauté. Ce jeune homme était proche de Westphal, de Bernard Westphal. Il s'entendait bien avec lui. C'était son beau-père. Peut-être un peu comme un second père. C'est compliqué pour ce jeune homme de prendre parti, même si sa maman est morte. Montigny Saint-Nicolas en ligne. Anne, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur ce qui s'est passé à Étainpuis. Le médecin qui a donc renversé les 10 cyclistes comme on renverse des quilles dans un bowling est mort de mort naturelle. Comment les cyclistes peuvent digérer puisqu'il n'y a plus personne à poursuivre ? C'est pas possible de digérer. De toute façon, il y a les assurances qui sont là, même si la famille n'est pas responsable. Mais bon, les assurances couvrent quand même les délits des médecins. Et puis, il y a double faute, là. Il y a, bon, il y a l'alcool, il y a les médicaments, mais bon, il y a... Oui, mais l'action s'éteint. On ne peut plus lui reprocher ni alcool ni médicaments. Il n'est plus... Oui, d'accord, mais il y a les assurances qui sont là. Il est quand même assuré, ce médecin. Les médecins ou bien des assurances pour les fautes médicales. On ne sait plus se retourner contre lui. Il n'est plus. Mais l'assurance est quand même toujours là. Anne, est-ce qu'on peut se contenter, quand on a été un cycliste renversé et qu'on s'est retrouvé sur le capot d'une voiture, est-ce qu'on peut se contenter de, s'il avait encore été en vie, il aurait sûrement été condamné par un tribunal. Est-ce qu'on peut se contenter de ça ? Non. Pour moi, non. Parce que de toute façon, rien ne prouve que c'est une mort naturelle non plus. Ah ben si, les autorités médecins ont dit mort naturelle, mènent quelques investigations. Mais si on remet tout en cause, alors c'est le chaos. On nous a dit mort naturelle. Oui, d'accord. Avec vous, mort naturelle. Monsieur Maréchal, il y a eu pas longtemps le cas. Mon frère a été déclaré mort par crise cardiaque foudroyante. RTL en a fait une émission dans les 10. Et en réalité, après 5 mois que j'ai dû me battre pour faire avoir la vérité et une autopsie, il était mort quand même empoisonné, mort au ras strychnine. Anne, donc, est-ce que vous suggérez... Donc la question est, comment digérer si on peut poursuivre personne ? Vous vous suggérez que ces cyclistes vivent avec eux un doute. Il est peut-être pas mort de mort naturelle. Vous leur conseillez de vivre avec le doute? Non, qu'ils exigent qu'on fasse une autopsie. Hein. Mais donc, il y a doute. Il y a un doute, oui. Rien ne prouve qu'il est mort comme ça. Qui vous dit qu'il n'a pas pris plus de médicaments non plus? Et le cycliste ne peut pas respecter la vérité des autorités? Cet homme a fait quelque chose sous influence. Il a été auditionné, on allait lui retirer le permis 15 jours et il est mort. On ne peut pas vivre avec ça? Déjà, s'il avait déjà des antécédents, c'est la preuve qu'il y avait bel et bien un problème quelque part. Donc non, je crois qu'il y a toujours moins un recours à pouvoir établir. Hein. Vous voulez poursuivre les morts? Ben oui, parce que les morts ont quand même des assurances et il y a quand même des garanties derrière eux, je suis désolée. Je retiens ça, Anne, vous souhaitez poursuivre les morts bien au-delà de la mort. Si la conversation s'impose, nous verrons si vous êtes seule sur ce positionnement-là ou si on se contente de la vérité, il n'est plus. On se retrouve après les infos pour la deuxième partie. Ceci est un message pour les professionnels du secteur Horeca. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love Horeca, le salon professionnel Horeca à Tours et Taxi. I Love Horeca, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love Horeca, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tours et Taxi. Plus d'infos à ilovehoreca.be. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Flash, Yasmina Favaro, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Trump, Clinton, le premier combat en face à face, c'était cette nuit aux États-Unis. Un duel électrique à 6 semaines de la présidentielle. Et sur ce ring, Hillary Clinton est donnée gagnante par les premiers sondages. Les observateurs l'ont trouvée plus expérimentée et plus incisive que son rival républicain. Donald Trump, lui, s'est montré plus courtois que d'habitude, mais un brin agressif. Il s'est posé comme le candidat du changement. Contrairement à sa rivale démocrate, qui selon lui n'a rien fait après 30 ans au pouvoir. Prochaine le 9 octobre. Les discours devraient commencer à l'hôtel de ville de Bruxelles. Les politiques célèbrent à leur tour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il n'y a pas que. Depuis vendredi, concerts, spectacles et activités sportives vous sont proposés pour fêter l'institution comme chaque année. Et comme chaque année, le débat sur l'existence de la Fédération est remis en question. Certains, comme le PS et le MR, souhaitent ouvrir le débat sur une absorption de ses compétences par les régions. Pourquoi la taxe nucléaire n'a pas été réclamée à Electrabel? Une question à laquelle va devoir répondre Marie-Christine Marguem, la ministre de l'Énergie, aujourd'hui à la Chambre. Elle est attendue au tournant. Electrabel doit s'acquitter de cette taxe de 3 millions pour le prolongement de Tihange 1. Au procès de Bernard Westphal aujourd'hui, la personnalité de l'accusé et de la victime, Véronique Piroton. Les experts psychiatres vont livrer leur analyse aux assises de Mons. L'ex-député Wallon y est accusé du meurtre de son épouse. Les proches de la victime devraient aussi être entendus, mais le fils de Véronique Piroton ne témoignera pas finalement. Son médecin l'a déconseillé, ça ne serait pas bénéfique à sa reconstruction. L'innovation wallonne à Abu Dhabi. La société IBA vient de signer un contrat de 40 millions d'euros aux Émirats Arabes Unis. Elle a vendu son système de protonthérapie pour le traitement contre le cancer à une clinique privée. Une bonne nouvelle qui arrive 2 jours après un autre contrat juteux pour la société basée à Louvain-la-Neuve, cette fois de 70 millions d'euros avec la Chine. Bruges remonte sur la pelouse européenne ce soir. Un deuxième match en Ligue des Champions, un déplacement à Copenhague. Et les Brugeois sont sous pression après leur défaite face à Leicester. Ils doivent affronter une solide équipe danoise. Une rencontre à suivre dès 20h45 sur Vivacité, bien sûr. La météo, le soleil brille pour l'instant. Il sera entrecoupé de nuages un peu plus tard, mais le temps restera globalement sec. Les températures, elles, seront comprises entre 17 et 22 degrés. RTBF Mobile Info, on fait tout de suite le point avec vous Stéphane Piedbeuf. Et sur la 54 Charleroi-Nivelles, la chaussée est toujours fermée à la circulation en raison d'une collision entre deux camions, deux poids lourds qui sont impliqués. Ça a des répercussions sur la nationale 586 entre Sararève et le Ring 24 de Nivelles. Pour rejoindre Bruxelles depuis Namur ou depuis Charleroi, eh bien, il faut continuer sur le 42 en direction de Mons jusqu'à Boisdenne et puis ensuite emprunter la 501 vers Familleureux pour poursuivre votre route via le 19 en direction de la capitale. Un accident s'est produit aux portes de Bruxelles sur le 40 Grand Bruxelles à hauteur d'Affligem. C'est pas vraiment aux portes de Bruxelles, mais ça a un impact sur votre arrivée à Grand-Vigard puisque 4 km de file en direction de la capitale et un retard estimé à une dizaine de minutes. Vous ralentissez également sur l'A12 qui vient d'Anvers entre Meize et Strombeek. Là aussi, il faut ajouter 10 minutes à votre temps de parcours. Ça se passe beaucoup mieux sur le ring de la capitale. La circulation s'est fluidifiée en de nombreux endroits, mais on perd tout de même une vingtaine de minutes entre Grand-Bigard et Zaventem en circulation extérieure du ring de Bruxelles. Et puis toujours en raison d'un prolongement d'une ligne de tram, cette fermeture du tunnel de la Wolu, hein, qui est fermée dans les deux sens de circulation, des déviations sont mises en place. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La deuxième partie de C'est vous qui le dites, c'est parti tout de suite avec Benjamin Maréchal. C'est en direct, voyons ce que vos conversations nous ont amené comme sujet de cette deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. D'abord, le rendez-vous de 10h45 avec la question qui dérange. Demain, Lufthansa va sans doute racheter SN Brussels Airlines pour 2,6 millions. Et la question qui dérange est la suivante. Est-ce que les Belges se sont fait arnaquer par les Allemands? Quand Brussels Airlines a voulu rembourser sa dette, les Allemands ont dit non, non, non, non, non, ne remboursez pas. Et c'est parce que la dette est grosse aujourd'hui qu'ils se permettent de dire, vous voyez bien que la dette est grosse, donc on est obligé de vous racheter à bas prix. Voilà le processus. Pour qu'on soit bien complet dans ce dossier un peu technique, comme le prévoit un accord de 2008, Lufthansa, qui est déjà actionnaire de Brussels Airlines, peut racheter les 55% restants aux actionnaires belges. Mais le prix proposé, qui est donc de 2,6 millions, est bien loin de ce que les Belges espéraient, puisqu'ils espéraient 150 millions. Pourquoi? Eh bien parce que la compagnie belge est endettée, que Brussels Airlines avait apparemment l'argent, a voulu rembourser, mais que des actionnaires allemands disent « non, non, ne remboursez pas, ne remboursez pas ». Et voilà où nous en sommes. On va racheter SN Brussels Airlines, qui demain ne sera plus belge, pour un petit 2,6 millions. On s'est fait arnaquer? Vous cherchez Mélanie dans ce dossier. Mélanie Joris, le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? Oui, ben je vais tenter de joindre Brussels Airlines tout d'abord et puis ensuite des experts du milieu aéronautique. Les informations citées dans les différents articles du jour viennent toujours de sources proches du dossier. Ça ne nous aide donc pas beaucoup pour trouver le bon interlocuteur. Ah oui, on dit que ce sont les actionnaires belges, ceux qui ont intérêt à veiller sur leur argent, ceux qui ne veulent pas que la compagnie devienne totalement allemande. On dit qu'ils sont inquiet. Vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à Zoé au standard. Et le problème pour Charles de Blankenberg, c'est que la Belgique est dans l'éternelle répétition. Ce qui s'est passé avec la Sabena et Swissair est en train de se reproduire avec Brussels Airlines et Lufthansa. La question qui dérange ce matin, est-ce que les Belges se sont fait arnaquer par les Allemands? Demain, Lufthansa va sans doute racheter SN Brussels Airlines pour 2,6 millions. Quand les Belges ont voulu rembourser leur dette, on leur a dit non, non, non, non, non, non. Et c'est parce que la dette est petite maintenant qu'on les rachète pour trois fois rien. Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. À Étainpouille, le médecin qui samedi a renversé 10 cyclistes comme on renverse des quilles dans un bowling est mort de mort naturelle quelques heures après le drame. Comment digérer si on peut poursuivre personne? À propos du trou de 4,2 milliards dans le budget, il se confirme donc que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Est-ce que vous confirmez que vous achetez moins et où ailleurs? Et puis le fils de Véronique Piroton, 17 ans, ne viendra pas témoigner au procès pour ne pas remettre en cause l'élan qu'il met en place à 17 ans. À votre avis, c'est mieux qu'il ne s'expose pas ou il loupe une opportunité? Trois débats, Zoé au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur les accises. Le trou de 4,2 milliards dans le budget confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Vous confirmez que vous achetez moins ou que vous achetez ailleurs? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Plantage donc sur l'alcool et plantage bien pire encore sur le dossier tabac. Alors commençons par l'alcool. L'État avait donc augmenté les accises sur l'alcool de 2,6 euros de plus par litre sur l'alcool, de 19,5 cents pour les vins et mousseux et de plus 1 cent pour la bière. Et bien d'après des chiffres Sud Presse dont la source n'est pas communiquée, fin août, ces hausses d'accises auraient dû rapporter aux caisses de l'État 146 millions. Et bien on n'était qu'à 54 millions. Faites le compte, un plantage de 92 millions, voilà de l'argent manquant. Et puis au chapitre tabac, donc c'est encore pire. L'État avait décidé d'une hausse de 70 cents sur les cigarettes et de 1,85 euros sur le tabac roulé. Et bien au final, que constate-t-on? Que les recettes TVA sont en baisse, que les rentrées liées aux accises sont en baisse. L'État perd des dizaines de millions et en clair, tout laisse penser que le Belge est parti dépenser son argent ailleurs et plus dans notre pays, d'où notre trou de 4,2 milliards. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je suis douanier. Vous le douanier. Vous confirmez que les Belges ont acheté ailleurs? Effectivement. Moi-même, je me fournis à l'étranger quand, à chaque fois que je pars en voyage. Mais vous achetez quoi à l'étranger? Des tonnes d'alcool, vous le douanier? J'achète pas des tonnes, j'achète pour ma consommation, j'achète beaucoup d'eau, j'achète, je ne fume pas donc je prends quelques alcools, mais je confirme que dans le cadre de mes voyages, je ramène aussi ma petite marchandise. Choisit ce débat à propos du trou de 4,2 milliards dans le budget. Il se confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Est-ce que vous confirmez que vous achetez moins? C'est une piste pour expliquer les baisses de recettes. Est-ce que vous actez que vous achetez moins? Ou alors vous achetez ailleurs? 070 233 466 par SMS au 3063. Et dans un instant, à Jean Blou, Christian, visiblement, viendra nous dire qu'il n'achète plus le whisky en Belgique, avec répercussion dans les caisses belges. Son whisky vient d'ailleurs. C'est vous qui le dites. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Écoutez ça! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, profitez d'une offre croustillante. À l'achat d'une baguette de 250 grammes cuite sur place, recevez-en une gratuite, soit seulement 69 cents les deux baguettes. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Vivacité présente Acerta Brussels Equidem, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi-Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidem.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et l'A2. Bonjour, c'est Philippe Jauniot. Ce samedi, entre 14 et 16 heures, Vivacité s'associe au Super Point Vert à Debs, organisé en marge de l'Etias Trophy à Mons. Avec Lise Burion, nous serons en direct de Mons Expo et nous vous offrirons un séjour pour deux aux Arcs en été. Le Super Point Vert à Debs, émission spéciale, samedi à partir de 14 heures sur Vivacité. La 2 en télé. Vitamine, c'est votre nouveau rendez-vous bien-être sur la 2. Le principe, vous nous posez des questions via les réseaux sociaux et nous tentons d'y répondre. Je vais même me mettre au défi en testant les solutions proposées par les spécialistes. Vitamine, un concentré d'astuces bien-être, c'est du lundi au vendredi sur la 2. Et si vous preniez la vie du bon côté? Il m'agace, elle m'énerve. Nous parlons ce mardi des agacements dans le couple. Les agacements conjugaux qui ont beau faire partie du quotidien du couple, ils irritent à chaque fois. Qu'est-ce qui vous agace chez votre partenaire? Que ressentez-vous au moment de l'agacement conjugal? Témoignez ce mardi. Dès 13h, prenez la vie du bon côté sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be/ovio. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Vous avez donc choisi une conversation budgétaire ce matin. Le gouvernement et la Belgique marqués par ce trou dans le budget. On doit trouver 4,2 milliards, c'est beaucoup plus que prévu. Ça a coincé où? Eh bien, il apparaît de plus en plus évident que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. En augmentant les accises, certains s'étaient dit que la Belgique allait récupérer un petit peu plus d'argent dans les caisses. Eh bien, patatras, le trou est de 4,2 milliards. Et quand on regarde en détail, sur le chapitre alcool-argent, on voit bien que cette hausse des accises a fait diminuer les ventes chez nous. Alors soit les Belges consomment moins, soit ils sont partis acheter ailleurs, mais tout laisse penser qu'ils sont partis acheter ailleurs. 070 233 466, SMS au 3063. D'abord nous allons à Jean Blou. Christian, bonjour. Bonjour. Avant de parler de vos achats, Je voudrais vous placer dans la peau de l'économiste. Vous auriez été conseiller du gouvernement. Le ministre vous dit « j'augmente les accises ». Vous auriez pu lui dire, vous, à l'époque, que tous les Belges allaient partir ailleurs, ou vous auriez pas pu le deviner ? Bah écoutez, je ne suis pas économiste et je comprends pas grand-chose à tout ça. Mais je suis persuadé que de toute façon, ils étaient quand même au courant. Ils ont des équipes, des gens qui travaillent pour eux, etc. Donc, ils sont au courant de tout ça. C'est pas possible. Alors, peut-être qu'il y en a un qui se dit, le Belge ne partira pas. Christian, Jean Blou, vous achetez votre whisky où ? Dans le nord de la France, mais ici, bon, l'exemple le plus marquant, c'est celui que j'ai pris ici avec un whisky. C'est celui que je préfère. Je le trouve en Belgique à 56 €. Et là, je l'ai acheté 35 €. 35 €, c'est exactement le même, dans la même contenance, le même contenu. Oui, exactement le même whisky, la même contenance, et alors ce n'était pas une promotion. Hein, je tiens à préciser aussi. Mais alors la première fois que vous allez dans ce supermarché du nord de la France et que vous voyez 20 € de différence, vous vous dites quoi ? C'est Noël ? Eh bien, je me dis tout simplement, même si ce n'était pas prévu, j'en ai acheté une. Et rien qu'avec ça, même si je vais jusque-là que je reviens, donc de Jean Blou jusqu'à Compiègne, le trajet, il est largement amorti, rien qu'avec ça. Donc après, si je vais chercher, comme je fais tous les 2 ou 3 mois, des produits d'entretien, des produits lessifs, de l'eau, des vins, parce qu'il y a des occasions pour acheter du vin à un prix incroyable. Pour ceux qui vont jamais, différence de prix entre une bouteille achetée ici et une bouteille de vin achetée là-bas. Ben le dernier achat que j'ai fait mettait la bouteille à 2,12 €. Donc ici, il y a déjà des bons vins à 5 ou 6 € par ici, hein, je ne dis pas le contraire. Christian, je reviens 2 secondes à votre whisky, puisque whisky, alcool, ouais. Et là le gouvernement avait décidé une hausse des accises de 2,6 €, ouais, par litre. La dernière fois que vous avez acheté un whisky en Belgique et donc donné de l'argent aux caisses de la Belgique, c'était quand ? Il y a un an ou deux, la dernière fois que j'ai acheté ici en Belgique le whisky que je préfère. Ici, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Oui. Je voudrais votre avis, parce qu'on parle des caisses de l'État ce matin, c'est un truc de dingue. Oui. Vous n'avez plus acheté de whisky dans notre pays depuis au moins 1,5 ans, 2 ans. Ah ben voilà, voilà. Donc même avant l'augmentation, j'ai vu mon intérêt ailleurs, je suis allé voir ailleurs. Bon, ben qu'est-ce qu'il doit faire alors le gouvernement ? Il doit rediminuer les accises sur l'alcool ? Ben écoutez, pour autant que ça n'est pas harmonisé dans l'Europe, ben, les gens iront là où c'est le meilleur marché, bien sûr. Mais ou maintenant qu'on vous dit... Ou alors, il faut être médecin ou ne pas avoir peur de dépenser, ou je ne sais pas, ou alors il faut être sot. Ou... Est-ce que ça peut changer votre comportement ? On vous dit maintenant qu'il y a un trou de 4,2 milliards, que l'État s'est planté en augmentant accises, tabac, alcool. On est un peu dans l'embarras, là. Tant pis, vous rachetez en Belgique ? Vous revenez faire vos achats chez nous ? Non. Je dirais simplement que le débat est quand même un peu ailleurs, en disant qu'il faut aller chercher les sous là où ils sont. Ah ben il faudra aller chercher partout, à 4,2 milliards, sans être économiste, il va falloir aller chercher un peu partout. On ne sera pas dans, vous savez, cette image qui avait été utilisée il y a quelques années, de la râpe à fromage, où on prenait un petit peu partout. 4,2 milliards, c'est beaucoup. On va à Arlon maintenant, proche de la frontière, Arlon. Julie, bonjour. Bonjour. Julie, vous faites toutes vos courses à Arlon, où alcool et tabac, c'est au Grand-Duché. Ben oui, c'est plutôt ça. Donc, alcool, ben, je ne fume pas, mais quand je ramène des cigarettes pour quelqu'un de ma famille, je vais au Luxembourg. Ah, donc c'est vous qui faites les courses pour la famille. Vous allez souvent acheter du tabac pour les proches ? Oui, de temps en temps, oui, par farde. Et, je ne suis pas la seule. Hein. Ça se voit, les gens sur les parkings, les caddies sont bien remplis, que ce soit en farde de cigarettes par dizaines, même par pot. Et des bouteilles, et des bouteilles, et des bouteilles. Et donc sur un caddie, sur un parking de supermarché au Grand-Duché, si dans le caddie il y a plein de fardes, c'est un Belge. Ah ben oui, ça c'est... Évidemment, c'est des Belges. Et les plaques, on peut les compter, hein. Il n'y a pas beaucoup de Luxembourgeois et quasi que des Belges. Vous allez où alors, Grand-Duché, où ? Vous allez faire vos courses où ? Ça dépend. À Martelange, là, il y a pas mal de choix, mais on peut aussi aller du côté de la Guéchelle, du côté du Pal Center, au Luxembourg. Moi, j'ai le choix, donc... J'utilise un peu toutes les ressources. On peut parler prix 2 secondes sur les fardes de cigarettes. Ceux que vous aidez à fumer moins cher, ils font une économie de combien ? Ah, ça dépend évidemment si on achète au paquet, à la farde ou au pot, mais ça 10-15 €, ça c'est sûr. 10-15 € de différence parfois ? Oui. Quand il y a des promos en plus, parce qu'ils font des promotions, pour que les personnes viennent en Belgique, on reçoit des folders. Moi, je reçois des folders du Luxembourg dans ma boîte aux lettres. Donc évidemment, ça donne envie d'y aller. Julie, vous auriez pu dire au gouvernement, attention les amis, si vous augmentez les accises, on va tous aller au Grand-Duché. Vous auriez pu le dire ou vous êtes un peu surprise? Ah ben j'y allais déjà avant, donc pour moi ça ne change rien. Ça fait des années que je vais là-bas et je ne changerai pas mes habitudes. Ça fait combien de temps que vous fréquentez les parkings du Grand-Duché? Oh, 5-6 ans au moins. Et vous avez vu qu'il y avait plus de Belges qu'il y a 5-6 ans? Oui, énormément. Ces temps-ci, en tout cas cette année-ci, enfin depuis quelques mois, là, non, c'est vraiment... Il n'y a que ça. Est-ce que ce trou de 4,2 milliards vous émeut? Le gouvernement s'est planté, bon, ça arrive, qui ne se trompe pas? Vous revenez faire vos courses en Belgique? Non. non, je ne reviendrai pas en Belgique pour plein de raisons, parce que le Luxembourg, pour l'essence, pour plein d'autres choses, c'est très avantageux, je ne reviendrai pas en Belgique, c'est quand, sûr. Quand vous achetez de l'alcool, vous achetez quoi? Donc comme j'ai dit, c'est surtout donc quand il y a des fêtes pour le nouvel an, ma maman m'appelle, il nous faut X bouteilles de ça, du cava, du crément, je vais acheter là-bas et la différence pour du champagne, des fois c'est 15 euros la bouteille. Sur une même bouteille de champagne, 15 euros de différence? Mais si on prend du bon champagne de marque, il y a des grosses différences de prix. Donc un champagne qu'on vend ici à 30 euros, vous le trouvez à moins de 20? Des promotions, donc on en prend deux bouteilles, on a moins 10 euros. Ils arrivent à faire qu'on achète, évidemment. Ils profitent, je pense, au Luxembourg de ça. Ils savent très bien que 90% de leur clientèle est belge. Ah donc... Tout le monde sait que je sais que tu sais, apparemment. Mais il y a quand même eu augmentation des accises sur l'alcool et sur le tabac. Mais tout le monde sait que je sais. Julie, vous êtes à Arlon. Charleroi, Alain, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tous les Belges qui achètent à l'étranger, vu le couac, 4,2 milliards, doivent revenir dans les supermarchés belges? Non, c'est le gouvernement qui doit revenir à être raisonnable. Ah, parce que vous allez faire vos courses en France aussi? Oui, tout où? À fait. Valenciennes, Montbeuch, dans les magasins en France. Quoi. En matière d'alcool, vous achetez quoi? En alcool, on n'achète pas trop en alcool. Si j'ai besoin d'alcool, j'irai encore au Luxembourg, c'est encore moins cher. Mais sinon, de ce point de vue, tout ce qui est céréales, tout ce qui est laitage, tout ce qui est... collation pour les enfants, école, c'est quasi 50%. Attendez Alain, j'aurais deux secondes sur l'alcool et sur le tabac, puisque c'est là qu'on a confirmation que l'État s'est visiblement un peu planté. Quand c'est de l'alcool, c'est même pas en France. Vous allez jusqu'au Grand-Duché. Vous faites ce trajet-là depuis Charleroi. Si je suis de passage, je prends en quantité, voilà, et puis après c'est fini. La dernière fois que vous avez acheté au Grand-Duché, c'était quoi? C'était quand? C'était du rhum brun, voilà. Vraiment moins cher? Oui, il y a quasi 5 à 6 euros de différence à la bouteille. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que le gouvernement arrive à mettre des taxes comme ça et se rendre compte que ça ne marche pas et continuer dans leurs erreurs. Comment est-ce que le gouvernement ne comprend pas qu'ils sont en train de nous pomper tout notre pognon et nous foutre dans la merde, tout ça pour eux, récupérer leur connerie. Mais comment ils pouvaient le savoir? J'ai demandé à Christian Jeanblou s'il aurait pu prévenir les autorités. Il m'a dit, écoutez, je ne suis pas économiste, je n'en sais rien. J'ai demandé à Julie si elle pouvait prévenir les autorités à l'avance. Elle m'a dit, pas très bien. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude, ces gens-là? Ils font des suppositions. En mettant des taxes comme ça, on va ramener autant de millions. Mais vous auriez pu mettre le gouvernement en garde? Mais bien sûr, franchement, c'est parce qu'eux doivent mettre des prévisions et comme ça, leur budget va être respecté. Mais sinon, ils savent très bien au fond d'eux que ça ne marchera pas. Et vous avez fait quoi comme étude, vous? J'ai pas fait de grandes études, en plus. Et vous auriez pu le dire quand même. Bon, Christian n'aurait pas su, Julie n'aurait pas su, Alain, vous auriez pu. Et en piochant, en plus, du Grand-Duché à Valenciennes et nord de la France. On va marquer une pause et dans un instant quitter Charleroi pour aller s'installer à Jeanblou. Sébastien nous dira s'il fait partie de ces Belges qui n'achètent que en Belgique ou si lui aussi s'en va. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyée spéciale en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Vous avez tout pour vous. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Oui, monsieur, SFR vous fait une offre mobile à 25 euros par mois à vie. Mais non. Appelez-vous dans le futur et vérifiez. Allô ? Michel, c'est moi. Enfin, c'est toi, mais du passé. C'est quoi ces histoires ? Je paye pas mon forfait 25 euros par mois pour qu'on me fasse des blagues débiles. Ok, je le prends. L'offre mobile de SFR, c'est du bonheur pour toute la vie. Appel et SMS illimité plus 6 gigas de data pour seulement 20 euros par mois pendant 6 mois, puis 25 euros par mois à vie. Plus d'infos au 02 226 55 55. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. Et au 070-233-466, Zoé, on ne parle même pas d'achats de particuliers à l'étranger, ce sont carrément des achats groupés. J'achète pour plusieurs personnes qui m'ont mandaté. Oui, beaucoup d'achats groupés, dont Léon Dramilly qui nous le dit, il achète avec ses voisins, ils se sont arrangés et c'est le voisinage qui s'est rassemblé pour acheter par palette l'alcool, le vin, les alcools forts. Ils vont en France, au Luxembourg ou parfois en Italie. Ils ont même parfois des connaissances polonaises ou roumaines qui ramènent de la vodka à 80 degrés à 5 euros. Il estime son économie à 1500 euros par an. Il y a Eric de Liège, lui, il achète via des collègues de boulot. Ils achètent ensemble, tout simplement parce qu'il n'a pas de voiture, donc c'est plus facile pour ses collègues d'acheter en groupe. Ils achètent des boîtes de tabac et des fardes de tabac. Il économise 5 euros par boîte de 100 grammes. Il y a eu Christian de Malmedy, c'est tout l'immeuble qui s'est regroupé pour acheter le tabac et la boisson. Ses voisins vont en Allemagne, lui, il va au Luxembourg et à chaque fois, ils achètent en collectivité. C'est vous qui le dites à Jean Blou. Sébastien, bonjour. Bonjour Benjamin. Tiens, parenthèse, vous faites quoi dans la vie, vous ? Je suis consultant, je travaille au Luxembourg. Est-ce que vous auriez pu, alors, vous, le consultant du Luxembourg, mettre en garde les autorités ? Donc, quand le ministre dit « je veux augmenter les accises », vous auriez pu dire « attention », vous auriez pu le dire ? C'est évident. Ah, vous auriez pu ? C'est presque naïf de croire le contraire. Mais alors pourquoi ils se sont lancés quand même ? Alors on ne dit pas que le trou de 4,2 milliards n'est dû qu'à ça, mais on voit que sur ce chapitre-là, il y a un petit couac. Pourquoi ils y ont été quand même dans la hausse des accises alors ? Bien, l'État a besoin de trouver de l'argent de tous côtés, donc c'est facile de prendre sur l'alcool et les cigarettes. Vous allez de temps en temps au Grand-Duché acheter pour d'autres ? Absolument, donc je fais même du groupage, on en parlait un instant, donc pour amis, famille, pour la crèche, pas les alcools et la cigarette pour la crèche, mais les eaux notamment, qui coûtent deux fois moins cher au Grand-Duché. Sébastien, rapprochez-vous du téléphone ou déconnectez les haut-parleurs, les kits mains libres, les oreillettes, je vous entends de très très loin. En matière de tabac, la dernière fois que vous avez été mandaté, vous avez dû aller chercher quoi pour qui ? En termes de tabac, je ne prends rien, parce que je suis contre le tabac, donc je ne prends pas de cigarette. Ok, donc là, c'est pas à vous qu'on doit le trou. En matière d'alcool ? Ah, en matière d'alcool, c'est chaque semaine, je reviens avec soit de l'eau et des alcools, au moins une fois par semaine. Quel genre d'alcool ? Alors, ce sont essentiellement des vins, des bières et rarement des alcools durs. Vin, bière, mais alors prenons l'exemple de la bière. La hausse des accises, chez nous, elle n'est que de 1 cent. Ça, la bière, on pourrait bien l'acheter en Belgique. Pourquoi il faut absolument aller chercher ça ailleurs et donner de l'argent au Grand-Duché ? Pourquoi on n'achète pas la bière ici ? La hausse n'est que de 1 cent ? À partir du moment où on est déjà sur place et qu'on prend les eaux, pourquoi pas prendre les bières et les vins avec ? Il y a un problème. Tout ça a créé un trou énorme. Quand on regarde les chiffres du mois d'août, on devait normalement, et je vous les reprends pour ne pas dire de bêtises, on devrait que les accises, fin août, on devait arriver à 146 millions dans les caisses et on n'était qu'à 54 millions. Il y a 92 millions qui sont partis au Grand-Duché. Vous êtes mal à l'aise ? Ah, pas du tout. Non, parce que chacun, je pense, de façon individuelle, regarde aussi à son portefeuille. Et donc, s'il fallait aller encore 20 km plus loin ou 100 km plus loin, peut-être qu'on le ferait encore. Vous seriez prêt à aller jusqu'en Allemagne pour acheter des canettes de bière ? À ce moment-là, je prends une remorque. Sébastien, vous fournissez combien de familles du pays de Jean Blou, outre la vôtre ? Oh là là ! À ce point-là, beaucoup. Autant. Ce sont des associations aussi, des ASBL, donc oui, ça représente, on va dire, une quinzaine de personnes, certainement. Une quinzaine de personnes alimentées par le seul Sébastien de Jean Blou. Et autant d'argent qui, donc, ne se retrouve pas dans les caisses de l'État belgique. À propos du trou de 4,2 milliards dans le budget, il se confirme que l'État s'est planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Allons à Chièvre maintenant. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Sébastien. Benjamin, vous aussi... Benjamin, excusez-moi. Oui, ça finit en 1. Ouais. Vous aussi, vous passez la frontière. La dernière fois, c'était quand ? Ici, début de l'année. Je vais vous dire, j'ai exactement 190 km pour aller. Donc, ça me fait 380 km aller-retour. Et j'achète principalement mes cigarettes et de l'alcool. La dernière fois que vous avez acheté un paquet de cigarettes en Belgique, c'était quand ? Oh, c'est... il y a 2 ans. Il y a 2 ans ? Oui. Ben, quand vous faites le calcul, au Luxembourg, début de l'année, le paquet était à 6,50 €. Ici, en Belgique, il est à 7,50 €. Donc, vous gagnez déjà 1 € au paquet. Une farte, c'est 8 paquets, donc ça fait 8 €. Et je prends 10 fartes. Donc, j'ai une économie de 80 €. Avec vos 10 fartes, vous tenez combien de temps ? Parce que là, on est au mois de septembre, le début de l'année, pour moi, c'est janvier. Donc, vous tenez combien de temps ? Je vais 2 fois par an au Luxembourg pour ma consommation personnelle. Donc, avec 2 trajets, ce qui n'est pas énorme, avec 2 trajets, oui. Vous parvenez à vivre en autonomie de tabac ? Tout à fait. Il y a un problème. Donc, il me faut 20 cigarettes par an pour ma consommation. Eh ben, c'est notamment, Jean-Luc, passez-moi l'expression, notamment à cause de vous, qu'il y a moins dans les caisses de l'État belgique. D'accord, mais bon, quand ils sont trop gourmands, c'est comme ça que ça se passe. Les gens regardent à leur portefeuille. Et c'est tout, c'est normal. Moi, je regarde ma consommation, je gagne de l'argent. En plus, je fais un tour, je fais le plein de mazout. Déjà, rien qu'avec le mazout, il y a une fameuse différence. Est-ce qu'on aurait pu prévoir que des gens allaient acheter de l'autre côté de la frontière ? Oui, sans doute. Mais est-ce qu'on allait pouvoir imaginer que des gens comme vous aller faire des stocks pour des mois et des mois? Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'un Sébastien de Jeanblou allait alimenter une 15aine de familles du pays de Jeanblou? Est-ce qu'au gouvernement, on aurait pu imaginer ça? Bah, ils sont certainement au courant. Hein, donc, mais c'est comme ça, le Belge, c'est comme ça. On regarde dans son portefeuille, on regarde nos avantages. Parce que le gouvernement est trop gourmand, de toute façon. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Alors conseillez-les. On y est, on voit bien que ça marche pas, la hausse des accises, on voit bien que vous êtes au Grand-Duché, on voit bien que Sébastien y est aussi, que les autres sont à Valenciennes. Que doit faire le gouvernement? Diminuer les accises? Diminuer les accises. Et là, les gens reviendront consommer en Belgique. Vous êtes sûr? Certains, tout à fait. C'est une promesse? Oui, tout à fait. Qu'ils baissent leurs accises pour l'alcool et les cigarettes, et les gens consommeront en Belgique. Mais diminuer les accises, ça ne veut pas encore dire qu'on sera à prix égal ou moins cher. Hein. Donc vous me jurez qu'en faisant un pas, le Belge fera un pas. Mais qu'il fasse un pas comme au Luxembourg. Un grand pas. Pardon ? Vous voulez un grand pas ou vous voulez un petit pas ? Déjà, qu'il ferait déjà un petit pas et peut-être un grand pas par après, voyant, ça n'irait pas. Mais s'ils mettent les prix comme ils sont au Luxembourg, les gens ne passeront plus la frontière. Hein. Eh ben alors je demande, Jean-Luc, au standard, d'être attentif à ça, et je demande à l'équipe de soumettre à chaque fois cette question à ceux et celles qui appellent. Si la Belgique fait un petit pas, vous nous jurez que les Belges continueront leur course, mais en Belgique cette fois, plus du tout à l'étranger. Il est 10h30, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé, dans les appelants de ce matin, combien estime que l'État a eu raison d'augmenter les accises sur l'alcool et le tabac pour protéger la santé des Belges ? 25% pensent que l'État a eu raison d'augmenter les accises sur le tabac et l'alcool. C'est peut-être un flop d'un point de vue budget, mais c'est un gros plus d'un point de vue santé. Si certains frontaliers vont à l'étranger pour faire le plein de bouteilles et de fards de cigarettes, d'autres ont sûrement diminué leur consommation et sont en meilleure santé. RTBF Mobile Info, Stéphane. Et toujours cet accident impliquant 2 camions sur l'A54 Charleroi-Nivelles à hauteur de Buzet. La chaussée est toujours fermée et au contact de quelques automobilistes, certains sont bloqués depuis plus de 3 heures dans leur véhicule. On vous souhaite évidemment plein de patience et plein de courage, surtout à vous qui êtes prisonniers de ces nombreuses files. Cela a des répercussions aussi sur la Nationale 586 entre Sarre, Arève et le Ring 24 de Nivelles en direction de Nivelles. Et puis si vous souhaitez rejoindre Bruxelles, bah, évitez évidemment l'A54, poursuivez votre chemin vers Mons via le 42. À Boisden, vous prenez l'A501 vers Familleureux et puis ensuite le 19 en direction de Bruxelles. Bruxelles où nous nous rendons immédiatement pour rejoindre la capitale, et bien sur le 40 Gand-Bruxelles, toujours cet accident à Fliegem qui ralentit le trafic. 20 minutes supplémentaires en direction de la capitale. Sur le ring, ça ralentit. 15 minutes supplémentaires entre Woluwe et Saint-Etienne et Vilvoorde ainsi que de Grimbergen à Wemmel en direction de Grand-Bigard en circulation extérieure du ring. Et puis toujours des ralentissements dans la plupart des tunnels bruxellois, particulièrement sur le boulevard de la Woluwe, puisque le tunnel de la Woluwe est fermé en raison d'un prolongement d'une ligne de tram. Dans les deux sens de circulation, des déviations sont mises en place. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Est-ce que les Allemands sont en train de nous arnaquer? Demain, ils vont peut-être annoncer le rachat total d'Essen Brussels Airlines, peut-être même faire disparaître complètement la marque. Sauf qu'ils nous rachètent à 2,6 millions. Et quand Essen Brussels Airlines a dit « Mais moi, je veux bien rembourser ma dette », il y a quelques mois, les Allemands ont dit « Non, non, non, vous tracassez pas ». Et maintenant, c'est en 10 ans, vous voyez votre dette, on est obligé de vous racheter pas cher, qu'on est peut-être en train de se faire arnaquer. J'attends un an après la pause. Vive les animaux! Le samedi 1er octobre, chez Tom & Co, c'est la fête des animaux. Moins 15% sur tout le magasin. Le samedi 1er octobre, votre animal est roi chez Tom & Co. Plus d'infos sur tomandco.be. Monsieur le directeur. Jean-Pierre, si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé, ils vont vous l'envoyer par coursier. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Euro-million, devenez scandaleusement riche. À la maison, profitez plus et payez moins, grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. La rentrée est derrière nous, mais l'été n'est pas fini sur Vivacité. Toute cette semaine, nous vous offrons des vols pour deux au départ de Brussels South Charleroi Airport vers la Corse. Écoutez Vivacité et gagnez vos places dans l'avion vers Bastia ou Ajaccio. Profitez encore un peu de soleil et des vacances avec Air Corsica. La foire du verre de l'âne. Artisans, antiquaires, collectionneurs, découvrez le monde de l'art du verre, du bijou et du cristal, ainsi qu'une initiation au métier du verre. Plus de 70 exposants, des dizaines de milliers de pièces. Dénichez celles qui vous manquent. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre au Centre sportif de l'âne. Info foireduverre.eu. Avec Vivacité. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Brussels Airlines va se faire racheter peut-être demain par Lufthansa. Est-ce que les Allemands sont en train de nous arnaquer? Voilà le topo pour bien comprendre ce dossier. Il y a donc un accord de 2008 qui prévoit que Lufthansa, déjà actionnaire de Brussels Airlines, puisse racheter les 55% restants aux actionnaires belges. Voilà le hic, c'est que les Allemands proposent un prix de 2,6 millions alors que les actionnaires belges espéraient 150 millions. Que s'est-il passé? Eh bien le problème est le suivant, c'est que Brussels Airlines, c'est vrai, a une dette vis-à-vis de Lufthansa, que Brussels Airlines apparemment avait l'argent. Il y a quelques temps, Brussels Airlines a dit « Mais on va rembourser !» Et là, les Allemands au conseil d'administration auraient dit « Non, non, non, non, non, non, non, vous tracassez pas, attendez !» Et aujourd'hui, alors qu'on avait un peu perdu ça de vue, notamment à cause des attentats et tout le contexte belge, aujourd'hui les Allemands disent « Vous voyez bien, vous êtes endettés, on va pas vous racheter 150 millions !» 2,6 millions, ce sera suffisant. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se faire arnaquer? Mélanie Joris, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous un nom? À ce stade, nous n'avons pas de nom, mais ce n'est pas faute d'avoir contacté plus d'un expert. Alors, j'ai contacté Jean Collard, expert en stratégie aéronautique pour la bourse Leleu. Malheureusement, il est en vacances à Java et la connexion n'est pas suffisamment bonne pour permettre une conversation téléphonique. Alors, j'ai aussi passé un coup de téléphone à Patrick Anspach, journaliste spécialiste de l'aéronautique, mais malheureusement pas de réponse. Je me suis alors tournée vers Olivier Lallemand, consultant en aviation et spécialiste technique en aéronautique. Il a pu m'apporter beaucoup d'éléments de réponse, mais malheureusement il sera en pleine réunion à 10h45. Ceci dit, pour lui, ce rachat n'est pas une surprise. Lufthansa est un groupe colossal, un acteur mondial, et ce rachat n'aura donc pas que des inconvénients. Brussels Airlines devra prochainement renouveler sa flotte pour les longs courriers. En étant dans le giron du groupe allemand, eh bien Brussels Airlines pourra bénéficier de prix avantageux. Même chose pour le pool entretien et maintenance. Les coûts opérationnels devraient donc certainement baisser. Finalement, toujours selon cet expert, eh bien on se dirige vers une évolution du monde aéronautique. Il n'y aura bientôt plus que des grands groupes, de grosses compagnies et des compagnies low cost. C'est la fin des petites compagnies aériennes. Et pour ma part, je continue à tenter de joindre les sources proches du dossier. Ah oui, en général, quand la question dérange, on finit quand même par trouver quelqu'un. Quand elle dérange vraiment, vraiment, vraiment et qu'elle touche à des intérêts économiques, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on aura peut-être besoin de vous tout à l'heure si aucun expert ne souhaite nous répondre. Laissez un éclairage à Zoé au standard. Et le problème pour Philippe Depenne, ce n'est pas le prix de la vente, mais c'est le manque d'action du gouvernement belge. Ce dernier aurait dû investir pour que Brussels Airlines reste belge. Un point, c'est tout. Est-ce que les Allemands sont en train de nous arnaquer? Demain, Lufthansa va sans doute racheter SN Brussels Airlines pour 2,6 millions. C'est pas énorme. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation à propos du trou de 4,2 milliards dans le budget. Il se confirme que l'État s'est donc planté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Est-ce que vous confirmez que vous achetez moins ou alors que vous achetez ailleurs? Le plantage est plus énorme encore pour le tabac que pour l'alcool. D'après des chiffres Sud Presse dont la source n'est pas communiquée, un exemple en matière d'alcool, fin août, les hausses d'accises auraient dû nous rapporter 146 millions. Eh bien, on n'était qu'à 54 millions. La prévision n'était pas bonne. Il y a 92 millions qui sont dans la nature quelque part, sans doute entre Valenciennes et Martelange, visiblement. 070-233-466 par SMS au 3063. Allons à Verviers. Daniel, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Je voudrais votre avis. Tout à l'heure, Jean-Luc, à Chièvre, a juré que si l'État diminuait les accises, a juré que tous les Belges reviendraient acheter au supermarché de Belgique. Vous le croyez? Tous, je ne pense pas, mais certains quand même. Et vous? Moi, il faudrait vraiment que ça diminue fortement, parce que la Belgique est en grande comme un confetti. Moi, je suis à 30 km de la ville où je vais faire mes achats en Allemagne. Et franchement, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant d'acheter en Allemagne que d'acheter ici en Belgique. Dans quel supermarché allemand vous allez? Je vais au Real. Un mot sur les tarifs. Whisky, par exemple, combien? Whisky, une bouteille de whisky quand je prends d'habitude, donc le petit monsieur qui marche, c'est 9,99 € en Allemagne la bouteille contre 16,99 € ici en Belgique. C'est le même contenu? Oui, tout à fait le même. Même chose. Vous avez un autre exemple chiffré? Mais là, on va sortir des boissons, mais prenons l'électroménager, par exemple. J'ai acheté un four à castrable dernièrement, toujours au même supermarché, 149 € contre 299 € ici en Belgique, le moins cher. Alors, je vous garde sur la conversation alcool et tabac, puisque c'est là qu'est le problème. L'alcool et tabac, c'est là que visiblement on s'est planté. Ça fait combien de temps que vous achetez en Allemagne, vous? Ça fait plus de 2 ans. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, en sortant, l'État allait imposer cette taxe, je vous avais déjà contacté par téléphone, et je vous avais déjà dit que je faisais les courses en Allemagne, et que, avec cette mesure-là, ça ferait encore fuir plus de gens, et ça me donne raison. Eh bien alors, le constat, la suite de l'histoire, alors puisqu'on se retrouve, Daniel, est-ce que sur le supermarché de votre magasin allemand, est-ce que vous voyez de plus en plus de Belges, depuis la hausse des accises, ou c'est statu quo? Oui, de plus en plus. Et le bouche à oreille fait son effet, notamment via les réseaux sociaux. Et je vous assure qu'il y a de plus en plus de plaques belges dans les supermarchés, à tel point que même maintenant, on nous répond en français aux caisses. Donc, c'est vous dire, les Allemands ont bien pris l'importance de l'enjeu. Et vous, si vous aviez été conseiller au gouvernement, vous auriez tiré la sonnette d'alarme ou vous ne l'aviez pas vu venir qu'autant de Belges vous rejoindraient, à tel point que la caissière parle français maintenant? Vous auriez pu prévenir? Bien sûr que si. D'ailleurs, je vous dis, là, à l'époque, quand nous en avions parlé, je vous l'avais dit que ça allait faire fuir les gens. Mais pourquoi le gouvernement ne vous a pas écouté alors? Parce que ce sont des gens qui vivent dans leur petit monde, dans leur autocratie, qui sont absolument au-dessus du commun des mortels. Et puis voilà. C'est une vision du monde politique, mais après, la politique, c'est aussi encadré d'experts, de gens issus de la société civile. Donc il y a des gens qui sont comme vous, Daniel Verviers. À bientôt, donc, pour commenter la suite de ce dossier Axis. 10h41, on appelle les experts maintenant. Il est directeur général de la fédération Vinum et Spiritus, Geert van Leerberg, en ligne. Bonjour. Bonjour. Au moment où le gouvernement augmentait encore les accises sur l'alcool et sur le tabac, est-ce que vous les aviez mis en garde ou vous étiez silencieux à ce moment-là? Eh bien, dès le mois de janvier, en fait, notre fédération Vinum et Spiritus a mis en garde les ministres compétents. On a indiqué que pour nos vignerons, nos distillateurs, tous les commerçants en vin et spiritueux, les objectifs du glissement fiscal n'ont pas été ou n'allaient pas être réalisés. La réalité est bien celle. L'augmentation des accises sur le vin et spiritueux ont démontré être contre-productif à la fois pour le secteur que pour le gouvernement. Est-ce que vous avez eu des réponses du gouvernement à l'époque? Quand vous venez à eux en disant « attention », Est-ce que vous avez des réponses? Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, c'est une discussion qui ne se passe pas comme toute autre discussion. On essaie d'apporter des arguments de mois en mois. On se base sur les chiffres officiels de l'SPF Finance pour démontrer l'évolution. Et tout comme disait l'auditeur il y a quelques instants, il est très difficile d'approcher ce gouvernement et de le faire écouter, malgré le fait qu'on a quand même la possibilité de démontrer les scénarios alternatifs. Alors on est d'accord qu'il y a un peu de vulgarisation à l'extrême ce matin. Le trou de 4,2 milliards dans le budget, il n'est pas dû qu'à ça. Il y a quand même un chapitre sur accises, alcool et tabac. Est-ce que ce matin, vous vous dites bien fait? On vous avait prévenu, c'est bien fait. Ils sont tous au Luxembourg et en France. Bien fait, d'un côté oui, parce que malgré nos efforts pendant autant de mois, finalement, aujourd'hui, il s'avère que télé, radio, journaux, on est tous d'accord que les résultats du tax shift ou du glissement fiscal sont contre-productifs. Mais de l'autre côté, il est à déplorer que ce soit la réalité, parce que d'un côté, le secteur a vendu, par exemple pour les spiritueux, depuis l'augmentation des accises, 33% en moins. 33% en moins, ça veut dire que dans le secteur du détail, il y a d'octobre à fin juillet, moins 16% de spiritueux de vendus. Et dans l'horeca, c'est la catastrophe, c'est moins 50%. Donc, dans de telles conditions, il est très difficile de garder les investissements et l'emploi au même niveau qu'avant. Ça, c'est une première chose. Est-ce que vous avez pu analyser une évolution potentielle? Parce que, que nous disent les appels ce matin, les appels nous disent que s'il y a baisse des accises, et encore, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, on n'est pas encore sûr que le client belge reviendra acheter en Belgique. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Nous sommes conscients de cela, mais garder le statu quo est hors de question. Nous sommes conscients qu'il va falloir quelque part rééduquer le consommateur à faire ses achats en Belgique. Pour ça, comme l'auditeur l'a très bien indiqué, il faut que les accises ou que le prix diminue par rapport au prix dans les pays limitrophes, et ceci de façon considérable, pour que le consommateur soit à nouveau attiré par l'achat en Belgique. Vous vous mouillez sur un chiffre, vous voulez une baisse de combien? Accises, alcool, vous voulez une baisse de combien? Au niveau spiritueux, il est ainsi que on doit retourner vers la situation d'avant novembre 2015. C'était la date de la dernière augmentation. Dans ce cas-là, nous sommes en mesure déjà de faire en sorte que si les clients achètent à nouveau en Belgique, de créer des recettes supplémentaires au niveau accise et TVA considérables déjà en 2017. Ah oui, c'est ce qu'on a vu sur le tabac, hein. En matière de vente de tabac, il y a moins de ventes, donc on perçoit moins en matière de TVA. Vous voulez un retour à l'avant novembre 2015. Geert Van Leerberg, directeur général de la Fédération Vinum et Spiritus, on verra si le gouvernement vous entend. Si pas aujourd'hui, demain. Allons au 070-233-466, toujours sur cette promesse, Zoé. Les Belges prêts à jurer fidélité au magasin belge si on fait un petit pas vers eux. Oui, c'est Hubert de Loudlinsa qui nous le dit. Les Belges vont revenir si le gouvernement fait marche arrière, un petit pas, un petit geste pour sauver la Belgique. Il n'est pas trop tard, selon Hubert. Les Belges préféreront acheter dans le magasin près de chez eux, qui n'est pas loin, plutôt que de s'embêter à devoir prendre le volant et à faire des dizaines de kilomètres. De toute façon, c'est toujours la loi du moins cher qui prône. Et selon Hubert, notre gouvernement devrait prendre exemple sur les chaînes de magasins bon marché. Plus le prix est bas, plus le consommateur achète. Diminuer les accises, c'est le seul moyen de renflouer les caisses de l'État, nous dit Hubert ce matin. Ah ouais, Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous achetez à Valenciennes, vous? Jamais. Vous achetez en Allemagne, vous? Jamais. À Martelange? Jamais. Au tax-free de l'aéroport? Je consomme belge, moi. Belge. Mais c'est moins cher ailleurs. Ben, c'est moins cher ailleurs, mais je suis en Belgique, je participe à la vie économique de la Belgique et je vois pas de raison d'aller ailleurs. Ah ben depuis 10 heures, vous êtes la seule. Tous les autres sont partis à cause de la hausse des accises sur l'alcool et le tabac. Oui, mais bon, moi, je ne fume pas, et boire, je trouve pas ça indispensable, donc je trouve que c'est honteux d'aller ailleurs pour ça. Mais tous les autres, ça, c'est chacun son mode de vie. Tous les autres consomment, ont des besoins, et ils payent moins cher. Vous leur en voulez? Oui, je trouve qu'il y a moyen de s'adapter à la vie qui est en Belgique. Maintenant, je comprends les très petits revenus et je trouve qu'on devrait plutôt diminuer les accises sur tout ce qui est les yaourts, enfin des choses comestibles dont on a absolument besoin pour vivre. Mais je comprends pourquoi ils ont augmenté sur le tabac et l'alcool, c'est pas quelque chose de vital. Le mouvement n'est pas à la baisse des accises, hein, quel que soit le produit, il est plutôt à la hausse, ou au statu quo en tout cas. Nathalie, que belge. On marque une pause dans un instant, question qui dérange. Les Allemands de Lufthansa vont acheter Brussels Airlines. Est-ce qu'ils seraient pas en train de nous arnaquer, les Allemands ? Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9, pour bien démarrer la journée. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus ? Info brusselsbywater.be. Accessoires, aliments, les meilleurs conseils, je trouve tout pour mon chien Croquette chez AVV. Pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199 euros. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe ! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est voisin ! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Voomobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible sur voomobile.be. Et il est temps de penser à Voomobile. Offre soumise à condition. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. À la folle rumeur, demain Lufthansa va sans doute racheter SN Brussels Airlines, c'est normal. L'accord de 2008 dit Lufthansa peut racheter les 55% restants aux actionnaires belges. Mais c'est là que ça coince, puisque Lufthansa ne propose que 2,6 millions, là où les Belges attendaient au moins 150 millions. Quel est le piège ? C'est que Brussels Airlines est endetté. Quand les Belges ont voulu rembourser la dette, les Allemands ont dit non. Et maintenant ils disent, comme vous êtes endetté, on va pas vous racheter plus cher. C'est une question qui dérange fameusement dans le monde économique. Mélanie Joris, 10h49, avez-vous un nom d'expert à nous donner ? Alors malheureusement non, je n'ai pas de nom. C'est bien la preuve que ce dossier est très compliqué. Dernier coup de fil que vous avez passé, puisqu'on s'est croisé il y a un quart d'heure encore. Oui, alors le dernier coup de fil, c'était pour le président de l'Aviation Press Club, Luc De Wild. C'est une association qui regroupe tous les journalistes spécialisés dans l'aviation. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse non plus. C'est ça le jeu et l'enjeu. Nous cherchons nos experts en temps réel le matin même sur des conversations qui se posent le matin même. Alors on aura besoin de vous au 070-233-466 par SMS au 3063. Voyons d'abord l'éclairage que vous amenez, Zoé, au standard. Et le problème pour Yvette de Fauvillers, c'est qu'encore une fois, dès qu'il s'agit d'un sujet important, sérieux, un sujet important pour l'avenir de la Belgique, tout le monde reste muet comme une carpe. Personne n'a le courage d'assumer la bêtise de la Belgique et le coup de poker que vient de faire l'Allemagne. Yvette est scandalisée par ce mutisme général. 070-233-466 donc par SMS au 3063 si vous avez un avis. Olivier Saint-Pierre par exemple. Marie, bonjour. Bonjour Benjamin. D'abord sur la partie très visible, ça vous fait de la peine que demain Brussels Airlines soit 100% allemand et plus belge ? Ben oui, c'était encore un dernier fleuron de la Belgique, si je peux dire. Mais ça va changer quelque chose ? Ça gardera, on espère en tout cas, on maintiendra quand même une activité en Belgique, c'est pas ça l'essentiel ? Oui, bien sûr. Bon, si on garde l'activité, c'est le principal. Bon, de toute façon, au point où on en est, où tout ce qui est belge est racheté par des multinationales étrangères, donc voilà. Bon. Il y a une crainte dans le monde des observateurs. On s'était déjà un peu fait piéger avec la Sabena par les Suisses, et on se demande maintenant Exactement. Si on ne se fait pas piéger par les Allemands. Donc quand Brussels Airlines veut rembourser sa dette, les Allemands disent non, attendez. Et puis avec les attentats, on a un peu perdu tout ça de vue, et au final, ils reviennent avec une offre de 2,6 millions. Ça vous fait dire qu'on se moque de nous ? On se moque de nous, oui, mais bon, les dirigeants qui sont chez Sabena ou bien chez Brussels Airlines se moquent également de nous. On ne sait pas qui gagnera la partie demain, évidemment, puisque les Allemands devraient dire leur intention demain. Merci Marie d'être entrée dans cette conversation. Je reviens vers vous Mélanie à propos du nom, donc Brussels Airlines. C'est aussi un des enjeux de cette conversation. Si les Allemands rachètent, est-ce que Brussels Airlines existera encore ou le nom disparaîtra? Oui, alors ça c'est une information que j'ai pu récolter auprès d'Olivier Lallemand, hein, expert en aéronautique, qui m'a donné beaucoup d'informations ce matin, mais qui n'était pas disponible pour cette interview. Alors d'après lui, plusieurs sources lui ont annoncé que malgré ce rachat potentiel par Lufthansa, eh bien Brussels Airlines pourrait continuer à exister sous sa propre identité, sous son propre nom. Olivier Lallemand ne s'inquiète pas non plus pour notre aéroport national de Bruxelles. Bruxelles reste une zone névralgique qui a des droits sur l'Afrique et c'est ce marché qui intéresse aussi tout particulièrement la compagnie allemande Lufthansa. Ah, c'est évident, c'est la partie intéressante de la compagnie belge parce que le trafic intra-européen, Lufthansa en fait aussi avec sa compagnie low cost. Éclairage au standard, Zoé. Et le problème pour Joël de Baston, c'est ce qui va devenir du personnel de Bruxelles Airlines. Oui, la compagnie va peut-être continuer d'exister, mais elle est certaine que certains vont être licenciés si la compagnie est rachetée au rabais pour une somme d'à peine 2,5 millions. Elle pense que les anciens employés de Brussels Airlines n'auront pas beaucoup d'indemnités. C'est vous qui le dites, à Herve. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce dossier. S'il n'y a plus de Brussels Airlines demain, c'est une nouvelle gifle à la Sabena? Mais non, mais de toute façon, ça ne me tracasse absolument pas, n'est-ce pas? Nous sommes en Europe ici. Alors l'Allemagne, c'est l'Europe, la France, c'est l'Europe, la Suisse, c'est l'Europe. Ce qui est important, c'est que les gens de Bruxelles Airlines travaillent. Oui, mais vous savez, quand le centre de décision est en Belgique, c'est parfois plus favorable aux travailleurs. Philippe, merci d'avoir aidé. On va vers les enseignements dans un instant. Vivacité et La 2 présente le Belfius Brussels Marathon et Semi-Marathon. Lancez-vous dans un marathon, un semi-marathon ou un parcours de 5 km à travers notre capitale. Le Marathon et Semi-Marathon de Bruxelles, le dimanche 2 octobre. Départ au cinquantenaire, arrivée devant la bourse. Infos et inscriptions, brusselsmarathon.be. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre, ce sont les Beauty Days à la Galerie Anspach. Deux jours d'animation et de workshop beauté pour prendre soin de vous et vous faire du bien. Que du bonheur. Les 1er et 2 octobre, souriez car vous recevrez aussi votre photo et gagnerez peut-être des cadeaux. Plus d'infos sur Facebook, Anspach Shopping. Anspach, the new place to live and shop. La rentrée est derrière nous, mais l'été n'est pas fini sur Vivacité. Cette semaine, nous vous offrons des vols pour deux au départ de Brussels South Charleroi Airport vers la Corse. Écoutez Vivacité et gagnez vos places dans l'avion vers Bastia ou Ajaccio. Profitez encore un peu de soleil et des vacances avec Air Corsica. Des carrelages, parquets et pierres naturelles. Quadrus Waterloo, Wavre et Zaventem. Plus d'infos sur quadrus.be. Prêt à acheter moins cher toute l'année, électrodépôt révolutionne Anderlecht. J-1. Plus d'infos sur électrodépôt.be. Électrodépôt. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On relâche bien, on prend le changement de vitesse et... on passe la première, puis la deuxième et la troisième. Bien souple le poignet et un et deux et la troisième. Bien! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Vivacité présente le European Open. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Donc voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. Demain, Brussels Airlines, totalement aux mains des Allemands. Sur la page Facebook, Marion Jomotte. Vous êtes 41 690 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Et ce commentaire de David, ce n'est plus de l'arnaque à ce niveau, mais presque une donation. Claude, lui, fait une autre comparaison. Il écrit, on a perdu la Sabena avec Swiss Air, c'est le tour de Brussels Airlines avec Lufthansa. Vous avez choisi une conversation sur le trou de 4,2 milliards dans le budget qui confirme que l'État s'est complètement planté. augmenté en augmentant les accises sur l'alcool et sur le tabac. Est-ce que vous confirmez que vous achetez moins et où ailleurs dans les enseignements? La réponse est oui, trois fois oui. Certains n'ont plus acheté de whisky sur le sol belge depuis 2 ans, 2 fois 365 jours. Une promesse, celle de Jean-Luc. Si le gouvernement diminue les accises, le Belge reviendra. Pas sûr, avez-vous répondu? Et puis les statistiques de ce matin, la moitié des appels estiment qu'ils auraient pu mettre en garde le gouvernement au moment de la hausse des accises. L'autre partie ne se sentait pas suffisamment armée sur le plan de l'analyse économique. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Zoé. C'était Jean-Pierre de Malmedy. Il fait ses courses au Luxembourg et il est persuadé que même avec une diminution des accises sur le tabac et l'alcool, les gens ne reviendront pas consommer en Belgique. Certains ont pris leur habitude et font l'ensemble de leurs courses à l'étranger. Jean-Pierre nous le confie, à chaque fois qu'il va sur place, il passe une super bonne journée. Au Luxembourg, il est bien accueilli, les magasins sont très propres, les gens souriants et pour rien au monde, il ne reviendrait acheter dans son pays natal. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur ces Belges qui, eux, savaient qu'en augmentant le prix de l'alcool, tout le monde partirait à l'étranger. Parmi les moments de ce matin. Il y a eu Christian de Jean-Blou à 10h15. Christian n'a pas attendu l'augmentation des accises pour aller voir ailleurs. Même avant l'augmentation, j'ai vu mon intérêt ailleurs, je suis allé voir ailleurs. Il y a un an ou deux, la dernière fois que j'ai acheté ici en Belgique le whisky que je préfère. Pour autant que ça n'est pas harmonisé dans l'Europe, les gens iront là où c'est le meilleur marché, bien sûr. Ou alors il faut être médecin ou ne pas avoir peur de dépenser ou je sais pas, ou alors il faut être sot. Moi je reçois des folders du Luxembourg dans ma boîte aux lettres, donc évidemment ça donne envie d'y aller. Je ne suis pas la seule, hein, ça se voit, les gens sur les parkings et les plaques, on peut les compter. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Luxembourgeois et quasi que des Belges. Les caddies sont bien remplis, que ce soit en fard de cigarettes par dizaines, même par pot, et des bouteilles et des bouteilles et des bouteilles. Si je suis de passage, je prends en quantité, voilà, et puis après c'est fini. Mais alors la dernière fois que vous avez acheté au Grand-Duché, c'était quoi? C'était du rhum brun. Vraiment moins cher? Oui, il y a quand même, il y a quasi 5 à 6 euros de différence à la bouteille. Ah, en matière d'alcool, c'est chaque semaine, je reviens avec soit de l'eau et des alcools. Alors, ce sont essentiellement des vins, des bières et rarement des alcools durs. À partir du moment où on est déjà sur place et qu'on prend les eaux, pourquoi pas prendre les bières et les vins avec? S'il fallait aller encore 20 km plus loin ou 100 km plus loin, peut-être qu'on le ferait encore. Ça me fait 380 km aller-retour et j'achète principalement mes cigarettes et de l'alcool. Quand ils sont trop gourmands, c'est comme ça que ça se passe. Les gens regardent à leur portefeuille. C'est tout, c'est normal. Moi, je regarde leur consommation, je gagne de l'argent. Mais c'est comme ça, le Belge, c'est comme ça. S'ils baissent leurs accises pour l'alcool et les cigarettes, et les gens consommeront en Belgique. C'est une conversation qui continue dans ce jour férié. Si vous êtes en congé, jour de la communauté française, ou pas d'ailleurs, sur la page Facebook. À demain pour nos 2 heures de dialogue.